السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 9 Muharram 1431, ce qui correspond avec le 26 décembre 2009. بإذن الله عز وجل. مرحبا إن شاء الله. Donc nous sommes toujours avec l'Aqida al-Wasitiya dans le deuxième tome au cours numéro 52 بإذن الله تعالى. Nous avions dit la fois passée que les gens de la sunna et du consensus, sunna ou jama'a, qu'est-ce qu'ils font entre autres? On a dit entre autres, نعم, يَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ, c'est-à-dire ils commandent la patience face à l'épreuve. Et au shukr inda raha, et la gratitude dans l'aisance. Wa rida bi murr al qada, et l'acceptation du sort quand il est amer. Quand il est amer. Ça c'est quoi? C'est l'un des signes, ou ce sont trois signes d'aisance, des signes de Al-Sunnah al-Jama'ah. Parce que Al-Sunnah al-Jama'ah, comme vous savez, ont beaucoup de signes. Donc on voit ces trois qu'on vient de citer, c'est-à-dire que ils commandent la patience face à l'épreuve, et ils commandent la gratitude quand ils sont dans l'aisance, et ils commandent l'acceptation du sort quand il est amer. Quand il est amer. On a vu, yani, ce qui a relation avec, ils commandent la patience face à l'épreuve. On a vu encore ce qui a relation avec, ils commandent la gratitude dans l'aisance. Le dars d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est, ils commandent l'acceptation du sort lorsqu'il est amer. Donc, je dis, inshallah ta'ala, et je fais une petite révision en ce qui concerne que les gens de la sunna recommandent la gratitude dans l'aisance. Dans l'aisance. Naam. Maintenant que je suis en train de vous parler, ça me rappelle un hadith, naam, très connu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit que, dans ce sens, ta'arraf ila Allahi fi rakhai ya'rifka fi shidda. Donc je vais le noter ici, pour ne pas l'oublier, inshallah. Ta'arraf ila Allah, nahda. Ta'arraf, une seconde. Naam. Je cherche sa place où le mettre ici. Ce hadith veut dire, yani, connaître Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es dans l'aisance. Et quand on dit connaître, hein, ça ne veut pas dire que, yani, ici le connaître, ça veut dire, yani, applique. Naam, applique. Yani, fais, obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Éloigne-toi des péchés. Naam, quand quoi? Yani, quand tu es dans l'aisance. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, remercie-le beaucoup quand tu es dans l'aisance. Et le hadith dit, alors quand tu seras dans des difficultés, il te connaîtra. Il te connaîtra, ça veut dire que, yani, il sera avec toi. Il sera avec toi. Sinon, Allah ta'ala connaît bien sûr toutes ses créatures, bi'idnillahi ta'ala. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que celui qui est de Ahl Sunnah ou Jama'a par rapport aux autres, comment qu'il est? le disait que, Naam, celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est pieux, celui qui est, Naam, on le connaît, quand est-ce par exemple, on le connaît pas seulement dans les difficultés. Car la relation avec Allah ta'ala dans les difficultés, dans la plupart des cas, le musulman a une bonne relation dans les difficultés. Car il n'y a pas de différence même entre le musulman et le kafir. Tous, quand ils sont dans la difficulté, ils ont besoin de qui? De revenir vers leur créateur. Naam. Allah Ta'ala a cité plusieurs fois dans le Coran que les kuffars, quand ils sont sur la barque, naam, et qu'il y a la houle, qu'ils ont peur d'être noyés, ils commencent à demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala de les sauver. Mais quand il les sauve, naam, et ils ne périssent pas, les voilà devenus quoi, ingrats. Mais le vrai musulman, c'est qui? C'est qui? C'est celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala aussi quand il est dans l'aisance. Dans l'aisance, pourquoi? Car beaucoup de gens, quand ils sont dans l'aisance, oublient que la ni'ma est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans le Coran, فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il a dit, tout ce qui vous provient, vous arrive de bienfait, ça vient d'Allah. Mais beaucoup de gens oublient que ça vient d'Allah et croient que c'est venu à cause de leur quoi? Leur force, leur puissance, leur argent, naam, leur intelligence, leur savoir, leur connaissance. Ils ont beaucoup de connaissances et comme ça. Et ils oublient que la ni'ma est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me fait pousser à dire une chose aussi très importante. C'est quoi? C'est que comme Allah subhanahu wa ta'ala est, apprenez bien ce que je vais vous dire maintenant, mettez-le bien dans le cœur avant de le mettre dans la tête. Mettez-le bien dans le cœur. Quelle est cette chose? Une chose très importante qui va beaucoup t'aider, inshallah ta'ala. C'est quoi? Apprends que comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait cette faveur de te donner un certain bienfait, une certaine ni'ma, il nous a donné bien sûr beaucoup. Mais chaque ni'ma qu'il te donne, n'oublie pas qu'il peut quoi? Qu'il peut te la reprendre. C'est une chose très importante. Naam. N'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné la ni'ma, la faveur et le bienfait, peut la prendre d'une minute à l'autre, sans te demander ton consentement ni ton avis. Pourquoi? Parce que yani, c'est lui qui commande. Il fait ce qu'il veut. On n'a pas le droit de lui demander pourquoi tu as fait cette chose ou pas. Et puisqu'il t'a donné une chose bénévolement, sans contrepartie, il est libre de la prendre quand il veut. Il est libre de la prendre quand il veut. Et mieux que cela, Allah Ta'ala est connu comme quoi il a un nom que c'est le Hakim le sage. Et ils ont dit que le sage, c'est celui qui met la chose en sa place. Celui qui met la chose en sa place, on dit de lui, c'est un sage. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, celui qui met le stylo, on lui donne un stylo, on lui montre le frigo et le cartable. On lui dit, choisis où tu mets le stylo. S'il le met dans le cartable, il est sage. S'il le met dans le frigo, ça veut dire qu'il est un peu malade mental. Naam. Donc, Allah Ta'ala, c'est le plus sage. Et le sage, qu'est-ce qu'il fait? Il met la chose en sa place. Allah Ta'ala a vu dans ton cœur que tu as fait un certain bien, ou là, il a voulu te récompenser, il t'a donné cette ni'ma. Maintenant, il voit dans ton cœur que tu ne le remercies pas pour cette ni'ma. Tu ne le remercies pas pour qu'il la laisse. Comme il te l'a donné, tu dois lui demander de la laisser. Toi, tu ne lui demandes pas qu'il te laisse cette ni'ma. C'est comme si c'est toi qui l'as fait venir cette ni'ma, et c'est comme si tu étais sûr qu'elle n'allait pas partir de toi. Et voilà qu'un jour, cette ni'ma part. Allah Ta'ala, bien sûr, ne fait du tort à aucune personne. Et c'est lui qui a dit dans le Coran, tandis que je me rappelle le verset, il a dit فَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Bon, ça on l'a vu, il a dit aussi ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allahu Akbar. Écoutez ce merveilleux verset. Il a dit, en ce sens que Allah Ta'ala, naam, jamais ne changera une ni'ma qu'il a donnée à une personne, par exemple, en la lui prenant sans que la personne elle-même n'ait changé. Subhanallah. Ça veut dire que si Allah Ta'ala te donne une ni'ma, ensuite il te la prend, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui a changé et qui a fait de sorte que tu ne mérites plus cette ni'ma. Subhanallah al-Azim. Na'am. Allah Ta'ala sait tout ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait que ce cœur-là, ne mérite plus cette ni'ma que je lui ai donnée. Alors qu'il y a d'autres gens et d'autres cœurs, des millions de cœurs, qui demandent cette ni'ma, ce bienfait. Alors pourquoi le laisser chez une personne qui n'en a pas besoin et qui ne remercie pas et qui ne demande pas à Allah Ta'ala de la lui préserver. Donc, je donne un conseil, une nasiha à moi-même et à vous-même, de ne pas oublier que si Allah Ta'ala vous donne une ni'ma, non seulement de le remercier, mais encore de faire des doigts pour qu'il la reprenne pas, pour qu'il la reprenne pas. Bon, ça c'était Inch'Allah Ta'ala sur la ni'ma. Maintenant, le dars d'aujourd'hui, Inch'Allah, et il commande, les gens de la sunna commandent quoi? L'acceptation du sort, même s'il est amer. Même s'il est amer. Voyez. Ici, Cheikh Rahmoud dit, Ar-Rida, a'la min sabr. Il a dit, puisque les gens du consensus ordonnent la patience face à l'épreuve, et ils ordonnent aussi l'acceptation du sort et l'agrément du sort, il a dit, alors sachez que agréer est plus élevé que patienter. C'est-à-dire que agréer, n'am, est plus élevé que patienter. C'est-à-dire que beaucoup de gens, par exemple, patientent, mais n'agréent pas. Mais n'agréent pas. Pourquoi? Parce qu'agréer, n'am, accepter, c'est beaucoup plus que seulement patienter. Vous savez, je peux patienter d'une chose, d'un malheur, sans l'accepter. Vous savez, je patiente, je ne me jette pas du balcon, je me suicide pas, je ne sais pas, je ne me fais rien, mais ça ne veut pas dire que j'ai accepté. Ça ne veut pas dire que dans mon cœur, j'ai accepté le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, donc, accepter et quoi? Et agréer, c'est plus élevé que patienter. Donc, il a dit ici, il a dit, et l'agrément qu'on demande ici, c'est d'agréer quoi? C'est d'agréer le sort quand il est amer. Par cela, on va comprendre quoi? On va comprendre que le sort est ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala comme destin, comme il peut être sucré, il peut être amer. Le destin, des fois, c'est des choses qui te plaisent, qui te rendent heureux, et des fois, ce sont des choses qui te déplaisent, qui te rendent malheureux, chagriné et avec le cœur gros. Gros. Naam. Ici, Cheikh Lahmoud dit, il a dit, ce qui nous concerne ici, c'est quoi? C'est l'amer. C'est le sort quand il est amer. Il a dit, l'amer en général, c'est quoi? C'est tout ce qui vient comme sort qui n'est pas compatible avec notre nature, avec nos souhaits, avec nos voeux, naam, avec ce qu'on veut. Naam. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'amer. Ensuite, il dit, فَإِذَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى قَضَاءً لَا يُلَائِمُ طَبِيعَةَ الْبَشَرِ وَتَأَذَى بِهِ يُسَمَّى ذَلِكَ مَرَى الْقَضَاءِ. Il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala décrète un sort, quelque chose, et cette chose, ce décret-là, est incompatible avec notre nature, avec ce qu'on veut, avec nos souhaits. Il a dit, et si par-dessus le marché, si ça nous fait du mal, si ce qu'Allah Ta'ala a décrété nous fait du mal, il a dit, soumiya dhalika mar al-qada. Il a dit, c'est ce qu'on appelle le destin ou le sort amer dont on est en train de parler. Il a dit, ce sort-là qui est amer n'a ni un bon goût, ni n'est sucré. Ni a un bon goût, ni il est sucré. Bel huwa mar. Bien au contraire, il est amer, il est amer. فَهُمْ يَأْمُرُونَ بِالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاءِ. Il a dit, donc, Ahl Sunnah demande, na'am, et commande les gens, les autres gens, à ce qu'ils acceptent le sort, même quand il est amer. Pourquoi on dit même quand il est amer? Parce que si le sort est sucré, il est mashallah, c'est ce qu'on voulait. Dans ce cas, pourquoi on demande aux gens de l'agréer? Tout le monde l'agrée. Mais Ahl Sunnah demande d'agréer d'Allah Azzawajal, un sort qui apparemment est amer, non, difficile à avaler. Non. Et sache, dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et sache que le sort et le décret d'Allah Azzawajal, quand il est amer, hein, on a deux choses à dire sur lui. Premièrement, ça, c'est ce qu'on doit bien comprendre et apprendre. Apprendre, comprendre d'abord, ensuite bien apprendre, hein, parce que ce sont des choses dans la Aqida qui sont très importantes, yani dans notre vie, yani, qu'on va vivre sur cette terre. On sera tous, yani, enclins à être éprouvés et testés, et à vivre des malheurs, qu'on le veuille ou pas. Donc, celui qui a la Aqida, qui a compris les choses, alhamdoulilah, yani, ça l'aidera à quoi? À sortir de son épreuve. Celui qui ne demande pas la science et ne comprend rien, celui-là, il ne va pas s'arrêter de poser des questions du matin au soir. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi Allah a fait ceci? Pourquoi Allah n'a pas fait cela? Pourquoi moi je suis pieux et mon voisin il est pervers? Lui, il n'a que des choses qui sont bien, ça ne lui arrive que le bien. Moi qui suis pieux, ça m'arrive que le mal. Et il va rester dans des tourments. Il ne va pas sortir. Naam. Tayyib. Donc il a dit, quand Allah Ta'ala décrète un sort, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder deux choses. La première, on doit regarder par rapport à l'acte qu'a fait Allah Azzawajal, par rapport au décret, c'est-à-dire l'acte lui-même qui a été fait par Allah Azzawajal. Et le deuxième regard, on doit regarder le décret lui-même. Ce n'est pas ce qu'a fait Allah Ta'ala, mais le décret lui-même, c'est quoi le sort? C'est la mort de quelqu'un, c'est un accident, c'est quoi? Ça, c'est le sort lui-même. Mais, dans le premier point de vue, qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder qui c'est qui a décrété ce sort. C'est-à-dire, on doit aller du côté de celui qui a décrété, c'est-à-dire Allah. Et dans le deuxième point, on doit voir du point de vue décret lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le malheur lui-même. Voyez. Premièrement, premièrement, par rapport au premier point de vue, que tout décret a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, on doit quoi? On doit agréer tout ce qui vient d'Allah azza wa jalla. Wa alla na'tarida ala rabbina bihi, li'anna hada min tamam ar-ridha billahi rabban. Il a dit, tout, on doit dire que puisque c'est Allah Ta'ala qui a décrété cette chose. Donc je suis obligé d'accepter et d'agréer. Pourquoi? Pour que je ne m'entrave pas, je ne sois pas, yani, une entrave à ce que Allah Ta'ala fait. Vous savez tous que, comme a dit le hadith du messager d'Allah, il a dit que, yani, goûtera, disons, la saveur ou la sucrerie de la foi, celui qui, quoi? Celui qui, par exemple, dira, آمنت بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالإسلام دينا par exemple. Donc ici, pour goûter la saveur de la foi, tu dois être de ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le Seigneur. آمنت بالله ربا. Or, comment toi tu crois que Allah Ta'ala c'est lui le Seigneur, et ensuite tu n'acceptes pas qu'il fasse des choses. C'est comme si, puisqu'autrefois il y avait des esclaves, c'est comme si, yani, je suis esclave, je vais me vendre à quelqu'un. Ensuite, celui qui m'achète, c'est mon maître. Ensuite, il va me donner des ordres. Va acheter, va ramener de l'eau, va laver telle chose, je vais lui dire non. Ça ne marche pas, c'est incompatible. Le fait que je reconnaisse que je suis un esclave et un serviteur, et que je reconnaisse que Allah Ta'ala, c'est lui le Seigneur, khlas, je n'ai plus le droit de quoi? Yani, de ne pas accepter la chose qui vient de lui. Donc, ça c'est le premier point de vue. On regarde quoi? On regarde qui a décrété, qui a fait descendre ce sort. Naam. On saura que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, je dois agréer tout ce que fait mon Seigneur. Pourquoi? Je sais que c'est lui le plus sage, je sais que mon Seigneur ne me veut que du bien, je sais que mon Seigneur aime les pieux, aime les croyants, je sais que mon Seigneur est avec les croyants, je sais que mon Seigneur m'aime plus que mes parents m'aiment, et a plus de miséricorde envers moi qu'en ont mes parents, et comme ça. Deuxième point de vue, c'est quoi? En regardant le sort lui-même, C'est pas en regardant qui a décrété ce sort, mais le sort lui-même. En regardant le sort lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen et les savants disent, ce n'est pas obligé d'agréer le sort. Mais ce qui est obligé, c'est de patienter. Naam. Donc, je résume et je vais donner un exemple. Et quand je donne l'exemple, je résume, tellement c'est important. Par rapport à Al-Qadha, par rapport au destin, je vois deux choses. D'abord, je vois qui a décrété le destin. C'est Allah. Dans ce sens, je dois agréer tout ce qu'il fait. Même si je connais la sagesse ou je ne connais pas. Et, deuxième point de vue, je dois voir le destin lui-même. Le destin, ce qui est arrivé. Non, ça ne m'intéresse pas qui l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce qu'il a décrété? Cette chose-là qui a été décrétée, je ne suis pas obligé de l'agréer. Mais je dois patienter. Mais je dois patienter. Mais bien sûr, si je l'agrée, c'est mieux. Mais il y a une différence entre c'est mieux et c'est obligé. Mais la patience devient quoi? Devient une obligation. Je donne un exemple. La maladie. La maladie, c'est un sort, c'est un décret d'Allah Azzawajal ou pas? Qui décrète la maladie? Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si je vais regarder à la maladie du premier point de vue, Naam. Qui a décrété la maladie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en ce sens, je crois quoi? Je dois agréer ce qu'a fait Allah Azzawajal. Je dois agréer Arda, je dois agréer ce qu'a fait Allah Azzawajal. Mais par rapport à la maladie elle-même, je ne parle pas maintenant de l'acte que Allah Ta'ala a fait en décrétant la maladie. Je dois agréer ça. Mais maintenant, je vais voir le sort lui-même, la maladie elle-même. Je ne suis pas obligé de l'agréer. Mais je dois patienter du sort qui m'est arrivé. Je dois patienter dans cette maladie. Quant à remercier Allah Ta'ala, le remercier pour ce sort qui et ce malheur qui m'est arrivé, c'est seulement quoi? C'est seulement conseillé. Mustahab. Ce n'est pas obligé. Même ce n'est pas obligé de remercier Allah Ta'ala dans une chose qui t'a fait mal. Et la chose qui t'a fait mal, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois patienter. Allah Ta'ala t'a demandé de patienter. Maintenant, si tu agrées et tu veux par-dessus le marché le remercier pour le malheur qui t'est arrivé, ça bien sûr, qui pourrait être mieux que toi? Qui pourrait être mieux que toi? Il a dit. وَلِهَذَا نَقُولُ الْمُصَابُونَ لَهُمْ تُوجَهَ الْمَصَائِبِ أَرْبَعَةِ مَقَامَاتِ. Il a dit, c'est pour ça que nous disons que toute personne à laquelle arrive un malheur ne sort pas d'un des quatre cas. Toute personne qui lui arrive un malheur, ne sort pas d'un des quatre cas. Qu'est-ce qui lui arrive? Ou bien, sakhat, c'est-à-dire, elle se rebelle contre quoi? Contre le destin d'Allah et son sort. Il n'accepte pas, il n'agrée pas. Non, sakhat. Non. Ou bien, la patience. Ou bien, cette personne patiente, ce qui est mieux. Ou bien, troisièmement, l'agrément. Non seulement patiente, mais elle l'agrée. Naam, elle l'agrée. Quatrièmement, ou bien, c'est encore mieux, non seulement elle ne se rebelle pas, mais encore elle patiente, et encore mieux, elle agrée, et encore mieux, elle quoi? Elle remercie. Naam, elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Choc. Ça, c'est vraiment le plus haut, là, le plus haut degré dans quoi? Dans le malheur qui arrive. Bon, on va commencer. Donc, on a dit, toute personne dans le malheur ne sort pas de l'une des quatre catégories. Je répète, ou bien elle n'accepte pas et elle se rebelle, ou bien elle patiente, elle patiente, même sans accepter, ou bien elle accepte, et bien sûr, toute personne qui accepte, ça veut dire elle patiente, ou bien, non seulement elle accepte et patiente, mais encore, elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On commence par le premier. Quand il a dit, sakhat, elle n'accepte pas. Sakhat, il a dit, faharam. Haram, belwa min kaba'ir dhunub. Non seulement c'est haram, mais ça rentre dans les grands péchés. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, ça rentre dans les grands péchés. Naam. Le fait de quoi? De se rebeller, naam, contre le destin d'Allah subhanahu azza wa jal. Je n'ai pas trouvé exactement le mot en français, comment il est à 100%. Moi, j'emploie ce rebeller, c'est juste pour vous faire comprendre. Si on trouve le vrai mot, vous me le dites. En arabe, c'est sakhat. Yani, il n'accepte pas. Yisrat. Donc, le sakhat, c'est quoi? Ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les grands péchés. Et sachez, barakallahu fikoum, que le sakhat, c'est-à-dire ne pas accepter ce rebeller, peut se faire ou bien par le cœur, ou bien par la langue, ou bien par les autres membres. Par le cœur, par exemple, c'est quoi? Par exemple, quand il apprend une mauvaise nouvelle, son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il devient plein de haine contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il devient plein de haine contre quoi? Contre cet islam. Contre ce qu'Allah ta'ala fait. Ça, c'est sakhat avec le cœur. A'oudhou billah. Et beaucoup de gens ont cette chose, a'oudhou billah. Et si ce n'est pas par le cœur, ça peut être par la langue. Par exemple, c'est quoi? C'est comme celui qui, lorsqu'il a un malheur, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des doigts contre lui, des doigts djihiliya. Naam, commence à dire des choses vraiment obscènes, vraiment des choses, même des fois, astaghfirullah, il peut même insulter Allah, insulter l'islam, critiquer Allah subhanahu wa ta'ala, et lui parler avec lui, en faisant un dialogue, en lui disant pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais en faisant un monologue, pourquoi tu as fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, ça t'a pas suffi. De m'avoir enlevé déjà deux enfants quand ils étaient à bas âge. Ça t'a pas suffi. Alors que tu ajoutes maintenant, tu m'enlèves le troisième. Et il commence à dire des choses comme ça, sakhat, avec la langue, qui vont rentrer cette personne dans quoi? Dans les grands péchés. Dans les grands péchés. Naam. Et puis le sakhat, là, des fois, il n'est pas avec le cœur, ni avec la langue, mais il peut être avec les autres membres, comme avec les mains. Certaines personnes, quand elles ont un malheur, qu'est-ce qu'elles font? Avec les mains, elles se griffent le visage. Elles se griffent le visage jusqu'à faire couler du sang, comme font les chiites, par exemple. Ou bien se frappent les joues. Ou bien se frappent avec des sabres. Naam. Ou bien déchirent leurs vêtements. Ou bien se tirent, s'arrachent les cheveux. Tout cela, ça rentre dans les grands péchés. Comme font les rawafid, les chiites, surtout. Demain, 10 Muharram. Hein? Demain, c'est pour eux la plus grande fête qui puisse exister dans l'islam. Demain, ils vont quoi? Ils vont se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant quoi? En faisant des péchés capitaux. Demain, ils vont se rapprocher d'Allah ta'ala en faisant quoi? En lisant Sahih al-Bukhari, en lisant l'Aqidah al-Wasitiyya, en lisant Riyad Salihin. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les veillées? Ils vont prendre des sabres et ils vont se frapper à la tête, se frapper aux joues, se frapper, et ils vont prendre des chaînes, et se frapper avec les chaînes, pourquoi? Pour donner une très très très mauvaise de l'islam. Comme ça, lorsque les gens nous voient, ou là, les voient, qu'est-ce qu'ils disent? A'oudou billah, c'est quoi cette religion où on se frappe avec des chaînes, et on se frappe avec des couteaux et des sabres. Et tout le monde sait, alhamdoulilah, que l'islam bérit. Se désavoue de ceux qui font des choses pareilles et se désavoue de ces gens-là. La preuve, et ça nous suffit, inshallah ta'ala, ce qu'a rapporté l'imam Bukhari, rahimahullah, dans Kitab al-Janaiz, hein, où le messager d'Allah, alayhi sallam, a dit, Laysa minna, ne fait pas partie de nous. Laysa minna, man shaqqa al-juyub, quiconque déchire quoi? Déchire ses vêtements. Hein, il prend comme ça, au-dessus du cou, hein, si on a par exemple un tricot, hein, on rentre nos deux mains, on les rentre au-dessus de notre cou, on prend le tricot par exemple avec la main droite, la main gauche, et on déchire. Et on déchire. Il a dit, celui qui fait une chose pareille, s'il y a un malheur, il n'est pas de nous. Walatam al-Khudud. Et quiconque se frappe les joues, se gifle, se frappe les joues pendant le malheur, n'est pas de nous. Et quiconque, da'a bid'a al-Jahiliya. Et quiconque commence à dire des choses de la période anti-islamique. Ya Waïla, Ya Waïla, Ya Waïla, Ya Touboura. Et il commence à dire des choses de la période anti-islamique de la Jahiliya. Il a dit celui qui fait comme ça. Dans quoi? Dans le malheur, il n'est pas des nous. Et les nous, c'est qui? Nous, c'est moi, le messager d'Allah, et les messagers, et ceux qui m'ont suivi. Et ceux qui l'ont suivi, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a un malheur, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allahumma ajurni fi musibati. Wa khlif li khayran minha. Et aussi wa khluf li khayran minha. Voilà comment on dit Ahl Sunna ou Jama'a. Et ce n'est pas, comme j'ai dit, yani il commence à se à déchirer et à se frapper, etc. Non. Taïb, ensuite il a dit. Bon, ça c'est quoi? On parlait du sakhat. Et on l'a divisé. Il y a le sakhat. Le sakhat, a'udhu billah, avec la langue. Il y a le sakhat avec le cœur. Et le sakhat avec les autres membres. Ensuite, le deuxième rang qui est mieux, c'est quoi? C'est sabr. Naam. C'est le fait de patienter. Bi'an yahbisa nafsahu. Le fait de retenir son nafs. Naam. Son cœur. Son cœur. Sa langue, wadisanahu, et tous ses autres membres. Naam, naam. Il a dit ça, c'est wajib. Sahat, c'est le mécontentement, c'est l'indignation. L'indignation, c'est mieux. L'âme, l'indignation. Attendez, je vais l'écrire. L'indignation. Tayyib. Bon, il y a l'indignation, c'est yani la chose la plus mauvaise. Ensuite, on va vers le meilleur. Du mauvais au bon, au meilleur. En deuxième position vient quoi? La patience. La patience, c'est on se retient de ne pas dire ou bien faire quelque chose qui n'est pas légiféré. Naam. Et la patience est quoi? La patience est obligatoire. Si l'indignation est haram, la patience est obligatoire. La Ta'ala a dit wasbir. Il a dit wasbiru. C'est plein de versets où il nous ordonne, c'est un ordre. Wasbir, wa ma sabruka illa billah. Il te donne un ordre de quoi? De patienter. Ensuite, mieux que la patience vient quoi? L'agrément. Que tu agrées le décret d'Allah Azza wa Jalla, le malheur, si c'est un malheur. Quelle est la différence entre la patience et l'agrément? Car toute personne qui a agréé, elle a été patiente, elle a patienté. Et le contraire n'est pas vrai. Et on peut patienter sans agréer. Donc maintenant, il y a un malheur qui est arrivé. Cette personne a patienté. Et la patience est obligatoire, car si elle ne patiente pas, elle a des péchés. Et la deuxième personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Non seulement elle a patienté, mais elle a agréé le sort d'Allah Azza wa Jalla. Quelle est la différence entre les deux personnes? Entre celle qui a patienté, celle qui a agréé. Regardez bien la différence et apprenez-la. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la personne qui a patienté a un cœur qui a reçu le choc, c'est-à-dire le choc, le malheur, le chagrin, naam, le déchirement du cœur, se trouve déjà. Il est à l'intérieur de son cœur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retenue. C'est ça la patience. Tandis que la personne qui a agréé n'a rien senti de cela. Pour elle, c'est comme si il n'y a pas eu ce mauvais sort. C'est comme s'il n'y a pas eu ce malheur. Voilà la grande différence entre celui qui patiente et celui qui agrée. Ça veut dire, pour résumer, celui qui patiente a reçu un coup, mais il se retient pour ne pas dire de mauvaises choses. Il se retient pour ne pas se griffer les joues. Il se retient pour ne pas se déchirer les vêtements. Il se retient pour ne pas insulter Allah. Il se retient pour ne pas se jeter du balcon. Il patiente. Tandis que l'autre personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agrée. Ça veut dire qu'elle a un cœur qui s'est ouvert pour ce malheur. Non. Subhanallah, elle accepte ce malheur. C'est comme si rien n'était arrivé de mal. C'est comme si rien de mal n'était arrivé. Non. Et enfin, vient qui? Vient choc. Et enfin, vient celui qui non seulement a accepté le malheur, mais a remercié. Qu'est-ce qu'il dit? Que disait le messager de l'Assemblée? Quand on lui a annoncé un malheur, qu'est-ce qu'il disait? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala mada? Ala kulli hal. Subhanallah al-Azim. Le messager d'Allah dit Alhamdulillah, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour un malheur. Mais il ne dit pas seulement Alhamdulillah et il se tait. Il dit Alhamdulillah ala kulli hal. C'est-à-dire Alhamdulillah dans tous les états. dans toutes les situations. Voilà ce que ça veut dire, Alhamdulillah, à la kulli hal. Ça veut dire, Alhamdulillah, même s'il y a un malheur. Donc le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, si on lui annonçait une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il disait? Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Vous voyez, il y a Alhamdulillah. Ici, c'est un malheur. Alhamdulillah, ala kulli hal. Ala kulli hal. Maintenant que vous avez compris que choukr, c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus haut que la patience, c'est beaucoup plus haut que l'acceptation et l'agrément. Car non seulement celui qui remercie, non seulement a accepté, mais encore il a agréé, et encore plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Je profite pour dire que remercier, ce n'est pas toujours avec sa langue. Par exemple, de dire à Allah Ta'ala, je te remercie pour telle ou telle chose. Mais on remercie aussi en faisant de bonnes actions. Comme le messager d'Allah, on lui disait, pourquoi tu pries comme ça toute la nuit jusqu'à ce que tes pieds se soient fondus et il y a le sang qui coule. Il répondit, Afala akunu abdin shakura, ne dois-je pas être quelqu'un qui remercie shakur? Donc, il remercie avec quoi? Le messager d'Allah remercie aussi en faisant de bonnes actions, comme la prière de la nuit. Et toi, tu peux remercier Allah Ta'ala en faisant de l'aumône et en jeûnant. Et en appliquant sa sharia. Et en faisant des choses que Allah Ta'ala aime. Ce n'est pas seulement dire avec sa langue, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que si jamais, on vous demandait quelle est la différence entre Alhamd, et choukr. Et choukr. Quelle est la différence entre tu dises Alhamdulillah et tu dises Ashkurlah. Alhamdulillah, c'est louange Allah Ta'ala. Et Ashkurlah, je remercie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quelle est la différence? Il y a une ou deux différences. La première, c'est que Alhamdulillah, Naam, attendez si je me rappelle, Naam, la première, c'est que Alhamdulillah ne se dit qu'avec la langue. Tu ne peux pas dire je te loue, ou la louange Allah, tu ne peux pas le dire avec tes mains, ou là, en priant, ou là. La prière n'est pas le fait de louer. Pour louer, il faut que tu dises. Donc, louer Allah ne se fait qu'avec la langue. Tandis que, choukr Allah, remercier Allah, comme il peut se faire avec la langue, il peut se faire avec les membres, avec la prière, par exemple. Quand tu pries la nuit, tu as quoi? Tu as remercié Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand une bonne nouvelle t'arrive, et tu donnes 10 euros à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait choc. Tu as remercié Allah Ta'ala. Donc la différence entre louer et remercier, louer ne se fait qu'avec la langue. Et remercier, comme il peut se faire avec la langue, il peut se faire aussi avec quoi? Avec les membres, les autres membres. Comme avec les mains, les pieds, etc. C'est-à-dire la première différence. La deuxième différence, Alhamd, louer Allah Ta'ala, peut se faire, ou là se fait, dans le bonheur et dans le malheur. Si c'est dans le bonheur, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Si c'est dans le malheur, alhamdulillah ala kulli hal. Alors que le choukr, le remerciement, ne se fait que dans le bonheur. Tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala pour un malheur qu'il t'a donné. Non. On le remercie pourquoi? Pour un bonheur qui nous est arrivé. Maintenant, si quelqu'un va dire, non. Et avant cela, ou là, maintenant je dis, si quelqu'un va dire, comment se fait-il alors, puisque vous dites d'un côté que choukr, remercier, c'est avec la langue et avec les membres, et qu'il se fait pour quelque chose qui nous plaît. Comment se fait-il qu'on l'ait cité aussi, et on l'ait cité ici dans le malheur? Dans le malheur, on a dit, il y a l'indignation, ensuite il y a la patience, ensuite il y a l'agrément, ensuite il y a choukr. Comment? Je remercie Allah Ta'ala pour la patience, pour le mal. Alors je dis, ou là on dit, premièrement, on dit si je trouve ça ici. Premièrement, attendez une seconde. Premièrement, nous si on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le remercie pas pour le malheur lui-même qui est arrivé, mais on le remercie pour les conséquences de ce malheur. Quand Allah Ta'ala me donne une maladie, est-ce que moi je le remercie pour la maladie, ya Allah, merci pour cette maladie qui me fait mal, etc. Non. Je remercie pour certaines choses. La première, quand je sais que cette maladie va être la cause de l'expiation de mes péchés. Vous savez le hadith qui dit que tout ce qui arrive aux musulmans croyants, c'est quelque chose de bien. Il dit même l'épine qui te fait mal dans ton orteil, cette épine-là, c'est pour toi quoi? Une source de bien. Car qu'est-ce qu'elle va faire cette épine? Le mal que tu as eu en contrepartie de cette épine, c'est l'expiation de certains péchés. Donc une personne, quand elle est malade, tant qu'elle est malade et elle a patienté pour cette maladie, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rend nul des péchés. Non, des péchés, des péchés, des péchés, jusqu'à ce qu'elle guérisse. Maintenant, si, en plus d'avoir patienté, non, elle, yani, remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour yani, ce malheur qui lui est arrivé, là, non seulement ça lui expie, mais encore ça lui donne des hasanats. Ça lui donne des hasanats. Donc, en ce sens, le malheur, hein, ça peut être quelque chose, mais c'est pas ça peut être, c'est sûr, c'est quelque chose de bien pour qui? Pour le croyant. Hein, dit, premièrement. Deuxièmement, pourquoi je remercie Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans ce malheur? Parce que je me dis que, alhamdoulilah, que Allah ta'ala m'ait donné ce malheur ici et qu'il ne l'a pas laissé pour l'au-delà. Non, c'est pour ça que Allah ta'ala, s'il aime une personne, il, quoi? Il la châtie ici avant l'au-delà. Si il ne la châtie pas ici, au moins il la châtie quand elle est dans la tombe. Mais s'il lui laisse le châtiment jusqu'à l'au-delà, c'est grave pour lui. Car l'au-delà, tout le monde va voir. Tout le monde va voir ce qui va lui arriver. Et tout le monde sait que le châtiment de l'au-delà n'est pas comme le châtiment qui peut arriver ici. Je vous ai cité pour vous rappeler le hadith que Cheikh Al-Albani a dit, hadith sahih, où un compagnon avait rencontré une femme. Et cette femme était une femme de joie autrefois. Et il ne savait pas qu'elle était rentrée dans l'islam. C'est une mécréante. Il a commencé à lui parler. Sans le vouloir, à un certain moment, il a posé sa main sur elle, peut-être sur son épaule ou là. Elle lui a dit, bah, yani, éloigne-toi de moi. L'islam, la mécréance est partie. Maintenant, c'est l'islam qui est venu. Et ça l'a étonné. Ça l'a étonné au point où, quand il a entendu ça, yani, il a tourné ses talons et yani, il s'est éloigné d'elle. Mais en s'éloignant d'elle, il se tournait de temps en temps pour la voir. Yani, tellement il était étonné, au point où il s'est cogné la tête contre un mur. Et il a eu vraiment mal, au point où il est allé raconter au messager de Allah, il lui a dit, voilà ce qui s'est passé, je me suis cogné contre le mur. Al-Mu'im, que lui a dit le messager d'Allah, c'est ça, le témoin du Dars. Il lui a dit, toi, qui a fait c'est-à-dire en parenthèse, ce péché, et qui a été châtié par le fait de t'avoir cogné contre le mur, il lui a dit, toi, c'est une personne que Allah Ta'ala aime. Car si Allah Ta'ala aime une personne, il la châtie ici avant l'au-delà. Et si Allah Ta'ala veut du mal à une personne, il la laisse avec quoi? Avec son péché jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah Azzawajal. Donc, si un malheur nous arrive, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire Alhamdulillah ala kulli hal. Au moins, moi, j'ai reçu quoi? J'ai reçu mon châtiment ici. Allah Ta'ala ne l'a pas laissé pour l'au-delà. En ce sens, c'est une preuve qu'Allah Ta'ala m'aime. Car le hadith a dit, c'est Allah Ta'ala t'aime du bien. Donc c'est une preuve que Allah Ta'ala, même s'il ne m'aime pas moi, il m'aime du bien. Il m'a aimé du bien en me faisant payer ici avant l'au-delà. Et pourquoi enfin, pourquoi on doit aussi, yani, si on peut bien sûr, remercier Allah Azza wa Jal pour yani, ce malheur qui est arrivé. En quel sens? En ce sens que, Alhamdulillah, que Allah Ta'ala t'a donné ce malheur et ne t'a pas donné plus grand et plus fort. Naam, qui empêche Allah Ta'ala de te donner un malheur 10 fois plus fort que celui qu'il t'a donné? Allah Ta'ala est capable de tout, il peut tout faire. Rien ne le retient. Alors dis-toi, Alhamdulillah, si par exemple il m'est arrivé tel malheur, naam, il y en a d'autres à qui il est arrivé des malheurs 10 fois plus grands ou 100 fois plus grands. Naam. Et enfin, on doit le remercier pour dire quoi? Que tout ce qui arrive au croyant, que ça soit une chose qui lui plaise ou pas, c'est toujours un bien pour lui. Qu'il le sache ou pas. Car ce n'est pas tout le temps qu'on sait que ce malheur est bien. Des fois, on ne sait pas. C'est une année après ou les 10 années où on va comprendre. On va dire, ah, maintenant je comprends. Donc, alhamdoulillah, que ceci et cela. Alhamdoulillah, maintenant je comprends. Tu comprends des fois une année ou les 10 ans plus tard. Et des fois, tu ne comprends pas du tout. Tu ne comprends pas alors que c'est un bien pour toi. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui c'était un esclave. C'était un esclave. Et à chaque fois que son maître lui est arrivé un malheur, il lui disait, Alhamdoulilah ala kulli hal, c'est quelque chose de bien. À chaque fois que son maître, lui arrivait un malheur, que lui disait l'esclave? Dis Alhamdoulilah ala kulli hal, c'est quelque chose de bien. Dis Alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien. Une fois, son maître, en faisant quelque chose, c'est parce qu'il faisait, il s'est coupé le doigt. Naam. Il s'est coupé le petit, l'auriculaire, au point, au classe. Il n'avait plus de doigts. L'autre, quand il a vu l'esclave, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, dis Alhamdoulilah, c'est un grand bien. Oh, l'autre, il s'est énervé. Et il lui a dit, toi, ça fait longtemps que je te supporte. À chaque fois, tu me dis, c'est un bien, c'est un bien, c'est un bien. Maintenant, ah, classe, hein? Maintenant, mon doigt est coupé, je n'ai plus de doigts. Les gens ont 5 doigts, moi j'en ai 4, tu me dis, c'est un bien. Aïe, sors de moi. Et je ne sais pas où il l'a envoyé. Il a dit, allez, j'en ai marre de toi. Je te respectais, mais maintenant, tu as dépassé les limites. Je n'ai plus de doigts, tu me dis, c'est un bien. Quel bien il y a? C'est un bien d'avoir 4 doigts. Si c'était un bien, Allah Ta'ala nous aurait créé avec 4 doigts. Un mohem. Ensuite, un certain temps après, un mois ou là, une année ou là, 6 mois, là, un certain temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que son maître faisait un voyage, il a été capturé par qui? Il a été capturé par des gens dans une forêt. Les gens là qui nous barrent la route, etc. Ils veulent nous prendre des biens, etc. Ils ont des noms, j'ai oublié comment ils s'appellent. Ils ont sauté sur lui, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la forêt. Il n'était pas seul, il était avec 4 ou 5 personnes. Ils les ont prises toutes, ils les ont emmenées à la forêt. Ils leur ont dit, justement, ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit sacrifier. On doit sacrifier pour notre Dieu. Ils avaient comme ça, comme une statue qu'ils adoraient. Et, alhamdoulilah, d'avoir trouvé, Annie, 4 ou 5 moutons comme vous, on va vous sacrifier. Et ils ont commencé, le premier, deuxième, troisième, quatrième. Quand ils sont arrivés au maître, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu qu'ils n'avaient pas le doigt. Ils ont dit, ah, oudoubillah, celui-là, naam, notre Dieu ne l'accepte pas. Celui-là, il n'est pas parfait. On n'est pas fou d'égorger quelqu'un qui lui manque un doigt. Et ils l'ont relâché, il est parti chez lui. Quand ils l'ont relâché, il est parti chez lui. Il a eu un petit dialogue avec son serviteur. Il l'a rencontré, il lui a dit, Wallahi, Wallahi l'Ali, maintenant je sais qu'est-ce que ça veut dire quand tu me disais que tout ce qui arrive aux croyants, c'est quelque chose de bien. Subhanallah. Si ce jour-là, j'avais le doigt comme tout le monde, j'aurais été égorgé. Maintenant, je ne serai pas là devant toi. Subhanallah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir enlevé ce doigt. Me l'avoir enlevé, c'est un délit qu'Allah ta'ala m'a aimé et a voulu me rallonger dans ma vie. Je t'enlève un doigt et je te rajoute 30 ans de vie. Qu'est-ce qui est mieux? Je te laisse le doigt et tu meurs? Ou bien je t'enlève le doigt et tu restes encore 30 ou 40 ou 60 ans avec ta famille et tes proches? Subhanallah. Tout ce qui arrive aux croyants, c'est quelque chose de bien, qu'on le sache ou pas. Non. Il reste des choses à dire. Je m'arrête ici. Inch'Allah ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, dans 5 ou 10 minutes. Je ne vais pas tarder car j'ai déjà mangé pour les questions-réponses. Et Inch'Allah ta'ala, tout à l'heure. Subhanakallah wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ashraf al mursalin. Avant cela, salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Hayyakoum Allah, tfaddal akh, inshallah, tfaddal. Salam alaykoum. Il y a du son, inshallah. On va falloir finir. Donc, je vais commencer par la première question. Alors, donc c'est la question de Dimo 43. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Cheikh, dans le Coran, Allah Azzawajal parle à la première personne du pluriel, c'est-à-dire Nous. Je voulais savoir pourquoi y a-t-il nous et qu'est-ce que cela signifie. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous récompense pour tout le temps que vous nous consacrez. C'est la première question. Donc, Inch'Allah. Alors, pas de soin explique. Normalement, chef, il y a des sous. Non. Est-ce qu'on m'entend sur un speed? On m'entend, chef. D'accord, je vais monter le son, chef. Normalement, on m'entend mieux, là, maintenant, chef. Alors, je passe à la deuxième question, chef. Je suis à fond là, là normalement c'est là on m'entend mieux là hein, parce que là je suis à... le son il est à fond chez moi c'est bon c'est moi je vais essayer de vérifier juste un petit peu mais là je pense que je suis à fond alors, voilà il est... j'ai le micro qui est à fond en fait hein. Normalement je pense que là c'est bon. Je vais voir sur une speak ici. Alors, je vais parler plus fort. Donc, ils ont demandé le son chez eux parce que chez moi, Inch'Allah, le micro il est à fond. La deuxième question, Cheikh Amatul Haq. Salam alaikum, Cheikh. Est-il permis à la femme de se réveiller un peu plus tard que l'heure du Fajr, volontairement, mais avant le Choro? Par exemple, le Fajr est à 6h58 et le Choro à 8h18. Puis-je me réveiller à 7h45 ou un peu plus tard? Barakallahu fikoum. Non. Donc, on passe à la troisième question. Alors, la troisième question sur la liste. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu donner leurs questions. Donc, je lis les questions qui sont à la suite l'une après l'autre. La question de Oumamina Sarah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah. Voilà, cher, j'aimerais avoir la différence. Enfin, j'aimerais savoir la différence entre le shirk akbar et le kufr akbar. Vu que tous les deux font sortir de l'islam, barakallahu fikum, qu'Allah vous compte parmi les pieux. Amin. Normalement, le chef en entend sur une speak. Donc, je vais laisser le frère donc Abu Huraira prendre le micro. Il va lire les questions sur une speak. Faudala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est la question de Oumou Maria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel moment doit-on lire Ayatul Kursi à la fin de la salat? Avant le dhikr ou après? Question de Ilyas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, Cheikh, ainsi que tous les frères et sœurs présents sur le salon. Amin. J'ai une formation de professeur des écoles et depuis qu'Allah Ta'ala m'a ouvert les yeux, j'ai arrêté de travailler. Des sœurs m'ont proposé d'ouvrir une école de confession musulmane. Seulement, plus le projet avance, plus je m'aperçois que les sœurs suivent les Ikhwan. Que me conseillez-vous? Dois-je laisser tomber ce projet? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, j'ai pas compris. Non. J'ai pas compris deux questions. Celle qui parlait de, c'est-à-dire la dernière question. Celle qui a dit que dois-je m'éloigner de ce projet ou pas? Je n'ai pas compris exactement c'est quoi ce projet et pourquoi elle ne le fait pas. Et la deuxième question, celle qui parle de se réveiller avant le chourouq. Je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire par là, se réveiller pour la salat, ou là, se réveiller, yani se réveiller, un point c'est tout. Je n'ai pas bien compris la question. Pardon, je te redonne le micro. Donc la sœur a dit, elle dit pas qu'elle se réveille en retard, mais qu'elle se lève, yani volontairement un petit peu en retard. Parce que dans sa question, elle dit, le fajr, il est, par exemple, il est à 7 heures, et donc shuruq, le lever du soleil, il est à 8h20. Elle dit, est-ce qu'elle peut se réveiller à 7h moins le quart, 7h45, yani 3 quarts d'heure, 7 heures, 7h45, elle se réveille, elle se lève et elle fait la salat. Est-ce que c'est correct ou pas? Attention. Non, cherche, c'est pour faire la salat, c'est pour faire la salat al-fajr. Non, cherche, pour l'autre question, alors, le projet, c'est quelle question, cher? Je me souviens plus, cher, trop tard. Non, ça c'est le frère Moussi Mohamdillah. Donc la sœur m'a donné des informations pour la salade. Elle dit, vu que les hommes, chers, ils vont à la mosquée, elle fait bien sûr la salade à la maison et elle veut décaler. Est-ce qu'elle doit la faire à l'heure juste après l'adhan ou alors il y a une adhan comme on dit juste quand c'est l'heure, c'est 7 heures, c'est l'heure de la prière, elle fait la prière à ce temps-là. Ou alors elle peut décaler jusqu'à 7h45 et faire la salat et se lever à son rythme. Ouais. Frère, moi c'est moi, il a répondu. Non, donc je vais répéter, Inch'Allah. Alors, la question. Alors, j'ai une formation de professeur des écoles et depuis qu'Allah Ta'ala m'a ouvert les yeux, j'ai arrêté de travailler. Des sœurs m'ont proposé d'ouvrir une école de confession musulmane. Seulement, plus le projet avance, plus je m'aperçois que les sœurs suivent les ikhwan. Que me conseillez-vous? Dois-je laisser tomber ce projet? Tfadal, cher. Akhi Karim, qu'est-ce que tu as dit le projet? Tu as dit confession ou là qu'est-ce que tu as dit confession musulmane? C'est quoi Hadi? Qu'est-ce que ça veut dire ce projet de confession yani? C'est quoi? J'ai pas compris. C'est quoi? Naam, cher, si vous préférez, école musulmane. C'est la même chose. École de confession musulmane ou école musulmane. Inch'Allah, c'est la même chose. Tfadal, cher. Oui, cher, c'est pour enseigner. En fait, à la base, elle était enseignante dans les écoles primaires, dans les écoles de chez les keufs en France. Elle était enseignante. Bismillahirrahmanirrahim. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question, où il est dit que, comment Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il dit je, des fois il dit nous, dans le Coran. Quand il dit je, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Je, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ferai ceci, je ferai cela. Quand il dit nous, c'est des fois à cause du ta'zim. Ta'zim, hein. Vous voyez, nous, par exemple, quand on parle des fois seulement avec une personne, des fois, on la vouvoie. On lui dit vous, alors que c'est seulement une personne. Pourquoi? Yani pour ta'zim. Tellement, yani on donne l'importance, disons, à cette personne. Naam. C'est pour ça que même en arabe, comme je vous ai dit une fois, yani quand on parle par exemple avec un savant, là, on va pas lui dire tu. On va pas lui dire tu, mais on dit. Vous avez dit ceci, vous avez fait cela. Non. Et il a dit, c'est des fois. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il emploie nous, non, des fois, il parle de ses anges. Lorsque, par exemple, dans le Coran, il a dit, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa nahnu. Et nous, il a dit, on est plus près du mort de celui qui a agoné, on est plus près de lui que sa veine, la veine qui va de. Je crois de son cou vers son cœur. Non, il a dit, on est plus près de lui que cette veine jugulaire. Il parlait pas, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il ne parle pas de lui. Il parle de ses anges. Car en fait, les anges n'ont été envoyés que par son ordre. Non, donc, il employait ici nous, alors qu'il parle des anges. Donc voilà pourquoi, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala emploie nous. Des fois, c'est pour lui. C'est pour parler de sa. Qu'il est azim, yani azza wa jal. Et des fois, il parle de ses anges. Naam. Ensuite, pour la personne qui dit je me réveille, yani avant le chourouq, etc., etc. Je veux dire à cette personne que quand on entend l'adhan, le deuxième, on sait que c'est le deuxième de la salat, pas le premier. Naam. On doit attendre un peu, au moins un quart d'heure, 20 minutes, inshallah ta'ala, puis faire salat al-fajr de rak'at avec Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Ensuite, si on peut jeûner en s'étant sur son flanc droit, sur son côté droit, en s'étant à 5 minutes. Ensuite, on se lève, on fait salat al-subh. Naam. Maintenant, c'est à vous de décider, est-ce que c'est, yani combien de temps, yani chez vous, est-ce que c'est à 7h, 7h30, 7h45, Allahu alam. Ça, je ne peux pas savoir. Mais la règle dit que quand j'entends l'adhan deuxième, je fais la salat à peu près 20 minutes après. 20 minutes après. Mais il y va sans dire que si jamais le soleil yani, se lève, ça veut dire que j'ai perdu ma salat. Si le soleil, j'attends jusqu'à ce que le soleil se lève, ça veut dire que ma salat est sortie de son moment. Naam. Pour la troisième personne qui a dit, quelle est la différence entre Shirkul Akbar et le Kufr? Bien sûr, cette personne est en train de parler du Kufr Akbar. Du Kufr Akbar. Donc la question serait, quelle est la différence entre Shirkul Akbar et Kufr Akbar? Certains savants ont dit, le Shirk Akbar, c'est lui-même le Kufr, et le Kufr, c'est lui-même le Shirk. Entre autres, c'est Sheikh Al-Albani, rahimahullah, qui a dit ça, et il s'est basé sur un verset de Sourate al-Kahf. Mais d'autres savants ont dit que, et c'est Inch'Allah Ta'ala l'avis le plus juste, ont dit que tout shirk est du kofr, et non pas tout kofr est du shirk. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le shirk fait partie du kofr. Le shirk, le grand shirk, shirk akbar, fait partie du Kufr Akbar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le grand Kufr Akbar, a plusieurs, disons plusieurs, comment ça s'appelle, plusieurs modèles, disons. Tous on les appelle des Kufr Akbar. Entre autres, il y a quoi? Il y a le Shirk Akbar. Je donne un exemple. Faire le Shirk Akbar, c'est par exemple dire qu'il y a avec un autre Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien demander à une personne ce que seul Allah Ta'ala peut donner. Ça, on a fait un shirk akbar. Mais le kufr, on peut faire le kufr akbar sans faire de shirk. Par exemple, je prends le Coran, astaghfirullah, je le jette par terre. Sciemment, je le jette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du kufr akbar, mais je n'ai pas fait de shirk. Vous voyez? Je n'ai pas fait de shirk. Par exemple, je tue un messager. Je sais que c'est un messager, je le tue. J'ai fait quoi? J'ai fait un kufr akbar, mais je n'ai pas fait de shirk. Donc, tout shirk est un kufr, et pas tout kufr est un shirk. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Pour la quatrième question, ayat al-kursi après la salat. Après la salat, on dit trois fois, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya al-jalal wal-ikram. Et on dit, il y a beaucoup aussi d'autres adayas. Il me semble. Si je dis juste, c'est Allah Ta'ala qui m'a aidé. Si je dis faux, je corrigerai la fois prochaine, inshallah ta'ala. Il me semble que on commence par ayat al-kursi. Et le dhikr qu'on a à faire, quand on termine, on passe au tisbih. On termine le tisbih et on se lève. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Je vais revérifier cette chose, Inch'Allah ta'ala. Naam. D'ailleurs, je vais la noter ici. Pour le projet, la dernière question. Projet, sœur Ikhwan Sera. Naam. Si je sais que, en travaillant dans ce projet, je vais aider à ce qu'il y ait un centre de Ikhwan. Naam. Je vais aider à ce qu'il y ait un centre. Ensuite, c'est pas moi qui commande. Ce sont eux qui vont commander, qui vont faire leur da'wah, etc. Je conseille de ne pas rentrer dans ce projet, bi'idhnillah ta'ala. Je conseille de ne pas rentrer dans ce projet, bi'idhnillah ta'ala. Mais si je suis sûr que yani, c'est moi qui vais commander et que yani, ça va marcher bien vers l'autre sens, le vrai minhaj, là c'est bien. Là c'est bien. Non. Mais si je sais que ce sont eux qui vont commander et que yani, moi je ne serai que la cause de les avoir aidés à faire ce projet. Ensuite, ce sont eux qui propagent leur mauvaise dawa. Il vaut mieux ne pas participer. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. Très dans les prochaines questions. Non. Donc on passe. Donc on sait qu'il n'a pas reçu sa question. Je vais passer à la question de Wallace. Alors, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Vous avez dit que chaque chose qui arrive aux croyants est un bien, est un bienfait. Donc s'il arrive un malheur à un croyant, c'est un bienfait. Est-ce que à long terme, avec le temps, on verra le bienfait de ce malheur comme l'exemple que vous avez donné par rapport au doigt coupé. Barakallahu fikoum. J'espère que vous avez compris. C'est clair. Inch'Allah. Alors, la deuxième question, Chir, c'est celle de Sheima Salafi. Donc là, voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chir, je voudrais savoir, est-ce qu'il est permis de dire « Uhibbuka fillah » entre frères et sœurs? Barakallahu fikoum. Ça, c'est la deuxième question. Donc, la troisième, c'est Abu Madem. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Chir. Qu'Allah Ta'ala vous récompense et qu'il vous élève, vous et votre famille, en degré. Mon fils, qui a bientôt 3 ans, me demande souvent ce que fait Allah. Puis-je lui dire qu'Allah le surveille? Et j'ai beau lui dire qu'Allah le voit et que nous on ne le voit pas, mais il insiste et des fois il me dit, mais si je regarde pour lui, je vois Allah, il est en haut, il nous regarde, que puis-je lui répondre? Voilà, Inch'Allah, vous m'avez bien entendu. Donc c'est la question de Abu Hasna 56. Salam alaikum, Cher. Y a-t-il un dalil qui interdit à la femme de conduire? Donc j'ai précisé, quand je suis venu demander la question, j'ai précisé Aqida, Minhaj ou Salat. Je ne vois pas dans quelle catégorie on peut mettre cette question. Donc Inch'Allah, je vous demande de me redonner soit une question ou soit de baisser la main. Barakallahu fikoum. Donc la question suivante. Même cher. Donc là, c'est pour savoir si l'argent est halal ou haram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'État français donne une prime de Noël aux familles les plus démunies de France afin de leur permettre de passer au mieux les fêtes de fin d'année, les fêtes païennes. Cet argent est versé aux familles sans même qu'ils n'en fassent la demande. Et cette année, je fais partie des personnes bénéficiaires de cette prime. Puis-je accepter cette somme d'argent afin de l'utiliser pour régler les assurances qu'on nous oblige à payer en France, logement, voiture, etc. Ou dois-je tout simplement la rendre? Barakallahu fikoum. Donc, question suivante. Souleyman 72. Donc, je n'ai pas reçu la question. C'est la fille à deux. Salam alaikum, Cher. Je ne sais pas si vous savez, Cher. Il y a 2 horaires pour le Fajr en France. Par conséquent, en moment, le Fajr peut être à 6h48 dans certaines mosquées et vers 7h20 dans d'autres mosquées. Moi, j'ai pris le Fajr dans une mosquée où ils font le adhan à 7h20 pour être sûr, Inch'Allah, de rentrer dans l'heure. Or, quand je vais chez mes parents qui habitent en province, environ à 90 km de chez moi, et là-bas, ils prient aux premières horaires. Or, ce que je fais, je prie avec eux en jamaa, puis je la refais en rentrant chez mes parents. Ma question est en fait de savoir si je ne prie pas avec eux en jamaa et que je la fais directement à la maison sans aller à la mosquée, suis-je un pécheur? Barakallahu fikoum, cher. J'espère sincèrement qu'Allah vous accordera beaucoup de récompenses et répondra au mieux à vos attentes. Amin. Tfadal, cher. نعم بارك الله فيكم pour هذا لي دعاء ان شاء الله تعالى et que je demande à Allah تعالى qu'il vous englobe vous tous et toutes vous tous et toutes. طيب pour la première question de Wal Asr qui a dit que yani j'ai dit que le bienfait était toujours نعم que le malheur était toujours un bienfait yani même si on le sait on le sait pas mais elle demande est-ce que ce malheur, yani, dans tous les cas, on saura que c'est un bienfait ou il est possible qu'on ne le sache pas? Réponse, il est possible qu'on ne le sache pas. Hein? Il est possible que on meure sans savoir quoi? Sans savoir que yani, ce malheur était un bonheur. Ce malheur était un bonheur. Et que ce sont les autres, par exemple, après nous, qui sauront que, subhanallah, ce malheur, en fait, c'est un grand bonheur, n'am. Même si c'est pas un bonheur pour nous, ça peut être un grand bienfait pour les autres, n'am. Ça peut être un grand bienfait pour les autres. Et des fois, comme j'ai dit, des fois, ça reste longtemps. Des fois, ça reste des années jusqu'à ce qu'on comprenne quelle est la sagesse. Et des fois, on ne la comprend pas du tout. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous montrera yawm al-qiyamah. Qui nous montrera yawm al-qiyamah. Que quoi? Pour te prouver que c'est lui le plus sage et que tout ce qu'il fait, surtout pour le croyant, c'est pour son bien. Non. Pour la question, est-ce qu'entre frères et sœurs, on peut dire Uhibbuka fillah ou bien on ne peut pas? Là, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous lire, Inch'Allah Ta'ala, une fatwa. Non. Attendez, de qui, Inch'Allah Ta'ala, de qui? Attendez, je vais voir, c'est de qui cette fatwa? Je crois que c'est le cheikh Abdelaziz Abdillah Rajihi. De cheikh Rajihi, Hafidhahullah, Subhanahu wa Ta'ala. Donc je vous lis la question, Inch'Allah Ta'ala, je vous lis la réponse. Pour la deuxième question, sur la participation des femmes avec les hommes dans les forums islamiques sur Internet. Et on les remercie en disant par exemple, Jazakallahu khayran. Le cheikh dit qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme participe avec les hommes sur le net, que cela fait partie de la da'wah à Allah, qu'elle réponde à ceux qui se trompent et montre la vérité, à condition qu'elle ne mette pas sa photo ou son image à l'écran et qu'elle ne parle pas au micro, qu'elle réponde à l'écrit, qu'elle dissimule son nom si elle peut, afin de se préserver des fitnas qu'elle pourrait avoir si son nom apparaît. Donc, qu'elles répondent aux paroles fausses et éclaircissent la vérité. Cela fait partie de la da'wah à Allah Ta'ala. Et il n'y a pas de mal en cela, mais sans que sa voix ou son image n'apparaisse. Non. Et il est très préférable que son nom soit dissimulé. Donc, c'était pas ça la question. Pour la troisième question, donc c'est ça la question, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, une seconde, je confirme que vous m'entendez. Vous m'entendez sur Osmoul Alhamdoulilah. Donc, c'était la troisième question ici. Sur le fait qu'une sœur dise à un frère, je t'aime pour Allah. Le cheikh dit, s'il n'y a pas de fitna et que cela n'est pas douteux, il n'y avait pas de mal à cela. Mais il faut pas qu'il y ait d'isolement entre les deux et qu'il est préférable que cela se fasse à l'écrit au travers de l'écran. Et je dis, il est préférable. Il faut d'abord qu'il n'y ait pas d'isolement. Et deuxièmement, si ça se fait, ça se fait à l'écran, à l'écrit et au travers de l'écran. Ce n'est pas en tête à tête. Ce n'est pas en tête à tête. Ça, c'est pour la réponse. Et certains d'autres disent que même si c'est possible de ne pas le dire, ce serait encore mieux si c'est possible de ne pas le dire pour ne pas réveiller certains sentiments dans les cœurs. Ce serait encore mieux. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour la troisième question, ce que fait Allah Azzawajal, quand la personne a dit que yani, mon fils me demande beaucoup, ou Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et elle dit, est-ce que je peux lui dire que Allah ta'ala nous surveille ou là qu'il nous voit ou là? Je dis bien sûr, c'est justement ce qu'il faut lui apprendre. C'est ce qu'il faut lui apprendre que Allah ta'ala, na'am, sait et voit tout ce qu'on fait. Voit tout ce qu'on fait, na'am, il sait tout ce qu'on fait et il a demandé à certains anges de noter tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit, ça ils écrivent. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Non. Justement, il faut apprendre à l'enfant qu'il sache dès maintenant qu'il est observé, que Allah Ta'ala le voit dans tout ce qu'il fait. Comme ça, pour qu'il apprenne que lorsqu'il est seul, non, il a peur aussi. Ce n'est pas comme maintenant, par exemple, on dit la peur du policier. La peur du policier. Quand il n'y a pas le policier devant le feu rouge, qu'est-ce qu'on fait? On brûle le feu rouge. Pourquoi? Il n'y a pas le policier. Mais là, tu lui apprends que Allah Ta'ala, yani, où que tu es, il est avec toi, avec sa science. Et c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est même tout ce que tu penses. Naam. Et yani, il y avait autre chose ici. Yani, est-ce qu'on doit lui dire qu'il est en haut ou la sira? Naam, on lui dit qu'Allah Ta'ala est en haut. Naam, au-dessus des cieux. Comme ça, on lui dit Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux, Fissama. Allah Ta'ala est Fissama. Al-Sama. Naam. Et mon fils, Inch'Allah Ta'ala, tu comprendras ça, Annie, au moment voulu, Inch'Allah Ta'ala. Mais comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, on essaye de le détourner vers des choses qu'il peut comprendre. On lui dit, tu vois le soleil, par exemple, regarde le soleil. Comment se fait-il qu'il soit un ballon qui n'est pas accroché, il est comme ça dans l'air et il ne tombe pas. Toi, si tu jettes un ballon, il est obligé de tomber. Qui le retient? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le retient avec sa puissance. Naam, regarde les cieux, regarde la mer, regarde. Naam, on lui dit tout ça, ce sont des créatures que Allah Ta'ala a créées et que yani Allah Ta'ala, celui-là, nous a ordonné de quoi? De l'adorer, de faire la prière, etc. Yani, on le détourne. On le détourne toujours vers quoi? Vers les choses qu'il devra faire lui. C'est pour ça que tu dois faire la prière, que tu dois faire ceci, cela. Et comme ça. Naam. Ensuite, pour les primes de Noël, pour les primes de Noël, Naam, gardez Inch'Allah Ta'ala ces primes chez vous, ne les rendez pas jusqu'à Inch'Allah Ta'ala à ce que je vous donne ce que vous allez en faire avec dans le prochain cours Inch'Allah Ta'ala pour vous dire ce que vous en ferez avec. Gardez-les donc Inch'Allah Ta'ala, ne les rendez pas. Naam. Et ensuite, enfin, pour les deux horaires, la personne qui a dit quand je vais chez mes parents à la campagne, ils font yani tôt, je te dis. La vraie sunna, inshallah ta'ala, la guidance du messager d'Allah, c'est quoi? C'est d'aller la faire à la mosquée avec eux. Naam. C'est d'aller la faire à la mosquée avec eux. Ensuite, quand tu reviens, tu attends un quart d'heure, ou je ne sais pas combien, et tu la refais tout seul. Naam. Tu vas avec eux faire la salat, et dans ton cœur, tu dis ces nafilas, et quand tu reviens, inshallah ta'ala, chez toi, tu la refais seul en disant c'est fard. Naam. والله عز وجل أعلم. تفضل. نعم دونك جو اون باس دونك سي الموحدين ان شاء الله سي كيستيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ conseillez nous pour les enfants qui sont à l'école ici يعني en France je suppose, comment faire pour qu'ils prient à l'heure? Est-ce toléré que la femme prie avec du maquillage? Yannick, c'est deux questions. Alors, je reprends la première question, chère. Donc, conseillez-nous par rapport aux enfants à l'école, dans un pays de cours, pour faire la prière à l'heure. Donc, on passe à la deuxième question, Inch'Allah. C'est la question de Umsala. Donc, Umsala. Donc, on nous rappelle, Chir, par rapport à la prime. L'année dernière, on vous avait déjà posé la question et vous aviez répondu qu'on pouvait garder la prime. Alors, juste une remarque au passage. Donc, la question de Umsala. Alors, Umsala, j'ai. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Chir. Pouvons-nous être sur qu'à chaque péché que l'on fait, S'il n'est pas suivi d'un quelconque mal, Allah nous châtiera dans l'au-delà, dans la tombe. Doit-on comprendre que le péché qu'on a fait, par exemple, il y a 1 ou 2 mois ou 3 mois, si il n'a pas été suivi par aucune épreuve, nous sera compté dans la tombe et le jour du jugement. Barakallahu fikoum, cheikh. Alors, une sœur demande des doigts car elle est éprouvée par des problèmes de santé. Barakallahu fikoum à tous. Donc, on passe à la troisième question, cheikh, et la dernière pour cette fois. Donc, la question de Samawati wal Ard. Alors, salam alaykoum, cheikh. Qu'Allah vous récompense pour tous les douloureux. Amen. Vous avez dit que le musulman doit accepter ce qui lui arrive et remercier Allah. Mais si on est touché par cette chose et qu'on en souffre, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas accepté ce qu'Allah nous a envoyé comme épreuve? Barakallahu fikoum. Donc c'est la question de Abou Hasna. Salam alaikum, Shir. Je voudrais connaître les adillah par rapport au fait qu'Allah Ta'ala a 2 mains et 2 pieds, et des yeux et des doigts. Je voudrais les adillah. Question suivante. El-Islam Salafi. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher, je voudrais juste que vous fassiez une nasiha à nos frères et sœurs en ce qui concerne la da'wa et la méthodologie dans le minhaj salafi, en ce qui concerne les mises en garde, barakallahu fikoum. Par contre, pour le reste de la question, après l'islam salafi, je préfère t'envoyer le frère Al Rolaba en PV, inshallah, car c'est quelque chose qui se règle en privé et pas en public. Jazakumullah khairan. تفضل شيخ. Donc, je vais vous demander, inchallah ta'ala, de me répéter quelques questions. La première, je l'ai comprise, c'est quant aux enfants, hein, et la prière à l'école. La prière à l'école. Cette personne ne m'a pas dit si yani, c'était permis de faire la prière ou pas à l'école. C'est permis de la faire ou c'est pas permis. C'est permis de la faire pendant la récréation ou c'est pas permis. Non. La deuxième question que j'ai, c'est seulement yani, la personne qui demande des doigts. Demande des doigts. On va revenir, Inch'Allah Ta'ala, à ça. La troisième question que j'ai, ça parlait du malheur, mais je n'ai pas compris la question. Ça parle du malheur. Yani, il a dit que. Je n'ai pas compris, enfin. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit sur le malheur. Non. Et. Ensuite, il y a une question sur les 2 mains et les 2 pieds et 2 yeux d'Allah Ta'ala. Et enfin, j'ai pas compris celle de la mise en garde. Mise en garde, il a dit mise en garde, salafi, etc. J'ai pas compris. Donc, presque la plupart des questions, et Ali, je les ai pas comprises. Non, je reprends les questions une par une. Donc, c'était la première question de Mouahidine. Alors, Mouahidine, il pose la question suivante. Salam alaikum. Donc, il demande un conseil. Il n'a pas dit si c'est permis ou pas. Il a mis par rapport aux enfants qui sont scolarisés, ils sont à l'école et ils sont en âge de faire la prière. S'il pose cette question-là, c'est que les enfants sont en âge de faire la prière. Donc à ce moment-là, il demande des conseils, comment ils peuvent faire. La deuxième question, c'était donc par rapport à. C'est Moussana. Moussana, donc dans sa question, Shir, elle dit pouvons-nous être sûrs? Est-ce qu'on peut être sûr qu'à chaque fois qu'on commet un péché, c'est suivi d'un mal? Et c'est vrai que la question est mal posée. S'il n'est pas suivi d'un mal, Allah nous châtiera dans l'au-delà et dans la tombe. Doit-on comprendre que le péché qu'on a fait, par exemple, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, va être suivi par une épreuve dans laquelle Allah il va donc expier nos péchés, ou alors ça va être compté et rester donc jusqu'à ce qu'on soit châtié dans la tombe ou le jour du jugement dernier. Allah. Donc la troisième question, c'est Salawatul Aab. Donc la personne dit, est-ce que le musulman doit accepter ce qui lui arrive et remercier Allah, mais si on est touché par une chose et on en souffre, est-ce que cela veut dire qu'on n'accepte pas? Et la question n'est pas tout à fait claire. Qu'on n'accepte pas cette épreuve-là. Et si la personne peut répondre et éclaircir la question. On achète. Naam, cher, et la dernière question dont vous aviez demandé de relire. Salamu alaykum wa rahmatullah, cher. Je voudrais juste que vous fassiez une nasiha à nos frères et sœurs en ce qui concerne la da'wa et la méthodologie dans le minhaj salafi en ce qui concerne les mises en garde. Barakallahu fikoum. C'est-à-dire, Allahu alam, cher, il veut dire dans le sens de sa question, je pense qu'il veut parler des personnes qui mettent en garde sans avoir de preuves. Par exemple, je dis fais attention à lui. Il me dit pourquoi, je lui dis Allahu a'lam. On m'a dit de faire attention et je n'ai aucune preuve. Atfadal cheikh. Nam, pour les enfants, qui vont à l'école, etc., Nam, s'ils peuvent, bien sûr, ils doivent faire la prière à l'école, s'ils peuvent. C'est-à-dire si on leur permet, s'ils ont une récréation, si c'est permis pendant la récréation, etc., tout ça veut dire qu'ils doivent apprendre à faire la prière où ils sont. Car la prière, c'est une chose avec laquelle on ne peut pas jouer. Nam, ni on peut l'avancer, ni on peut la retarder. La prière, si tu l'avances avant son heure, elle n'est pas acceptée. Imaginez maintenant que je vais faire salat sobh. Ce n'est pas accepté, c'est avant son moment. La même chose, si elle est après son moment, elle n'est pas acceptée, sauf si on a des excuses. Et dans un cas, comme chez vous, par exemple, où c'est difficile, certains ont permis de la grouper. C'est-à-dire que quand je suis vraiment dans un cas difficile, je la groupe plutôt que je ne la fais pas du tout. Il arrive que la personne soit dans un endroit où il lui est presque impossible de prier. Non. Si cette personne alors va grouper, c'est mieux que quoi? Qu'elle ne la fasse pas du tout. Ou alors qu'elle groupe par exemple la prière du matin, la nuit, la première et la prière de la nuit le matin. Tout ça, ce n'est pas permis, bien sûr. Prière du jour. On doit la faire le jour et la prière de la nuit, on la fait la nuit. Pour la personne qui a dit qu'elle était très malade, et qu'elle demandait des doigts, je dis, comme nous a appris le messager d'Allah, et vous aussi, vous dites Amin, je dis, As-Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyak. As-Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyak. As-Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyak. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نعم pour la personne qui a dit que نعم des fois on fait un péché il n'est pas suivi de malheur est-ce que ça veut dire que donc ça nous a été laissé pour l'au-delà et que là-bas on va être châtié. Réponse, quand on a fait un péché et qui n'a pas été suivi de malheur, il est possible plusieurs choses. La première, il est possible que Allah Azzawajal te l'a quoi? Te l'a yani absous. Il l'a annulé. Peut-être qu'après avoir fait le péché, peut-être tu as vraiment regretté avec ton cœur et que tu as demandé à Allah Ta'ala de te pardonner. Dans ce cas, Alhamdulillah. S'il l'a accepté, c'est comme s'il n'y avait plus de péché. Deuxième cas, il est possible que, après avoir fait ce péché, il est possible que tu aies fait quelque chose de bien, sans peut-être que tu le saches. Il est possible que tu aies aidé ta voisine. Tu as rencontré ta voisine dans la rue, avec le sachet, etc., lourd, tu l'as aidé. Tu l'as aidé, fisabilah. Il est possible que ce que tu viens de faire maintenant, t'as quoi? Il t'a expié, il t'a absous avec le péché que tu avais fait. Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé dans le Coran, pour quelqu'un qui fait une mauvaise action, de la faire suivre d'une bonne action. Car la bonne action annule la mauvaise action, comme vous le savez. Maintenant, si après tout cela, yani, ça n'a pas été annulé, par exemple, et que la personne n'a pas demandé à la lui pardonner, ni n'a fait de bonnes actions, etc., il est possible que Allah Ta'ala, yani, te donne, par exemple, un malheur, une maladie, etc., qui va t'expier ce que tu as fait. Si c'est un petit péché, il te donne par exemple juste une petite épine. Si c'est un grand péché, il te donne par exemple quelque chose qui te secoue un peu pour que ça puisse yani, être équivalent avec le péché que tu as fait. Car s'il te donne un petit malheur, il va pas t'annuler tous les péchés. Les péchés que tu as faits, ils sont tellement yani, grands que le petit malheur ne suffit pas. Non. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala laisse la personne, même si elle ne fait pas de bonnes actions, etc., il laisse jusqu'à la tombe. Et pendant la tombe, il est là-bas, il lui fait un supplice pour que ça ne soit pas devant les gens yawm al-qiyam. Et c'est déjà une miséricorde, rahma, min Allah, s'il donne à la personne yani, le supplice dans la tombe et il ne lui donne pas yawm al-qiyam. Al-Muhim, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, a cité que les choses qui annulaient nos péchés sont de 10. De 10. Il a cité entre autres le malheur qui nous arrive. Il a cité l'istighfar. Il a cité les bonnes actions qu'on fait. Il a cité la miséricorde d'Allah elle-même. Des fois, Allah te pardonne même si tu ne fais rien. Il a cité les grandes peurs, etc., qu'on a dans cette dunya et les maladies, etc. Il a cité les invocations des anges qui disent Allahumma ighfir lahu. Il a cité les invocations de nos frères. Des fois, nous, sans qu'on le sache, il y a des personnes qui nous font des doigts, qui disent Allahumma, par exemple, pardonne à X, pardonne à Y, pardonne aux croyants, aux musulmans, et s'il est exaucé, Allah Ta'ala nous pardonne. Non. En ce qui concerne les dalils que Allah Ta'ala a deux mains, deux pieds, etc., je dis, il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, revenir au dars qu'on a fait dans l'Aqid al-Wasitiyah, tome numéro 1. C'est très dommage, je dis, c'est très dommage. Que yani, le site qu'on a ne permet pas de dos ou là c'est de notre faute quand on a fait les dorus on n'avait pas mis les titres. Imaginez qu'on avait mis les titres. Quelqu'un cherche maintenant les mains d'Allah, les yeux d'Allah, il va directement, il trouve le titre de la cassette, les mains d'Allah, les yeux d'Allah, et il commence à écouter. Maintenant, si je dis à cette personne, va écouter la cassette où il y a 2 ou 3 heures. Je parlais seulement des mains et des yeux, il ne va pas la trouver. Je ne vais pas lui dire, va écouter de la première cassette. Mais je lui dis, si quelqu'un sait où se trouvent les passages où j'ai beaucoup parlé de ça, avec beaucoup de détails, qu'il fasse, Inch'Allah, cette chose, fi sabilillah. Mais je dis à cette personne que la preuve, par exemple, que Allah Ta'ala deux mains, il a dit, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yaday. Qui t'a empêché? Qui t'a empêché? En parlant à Iblis. Qui t'a empêché de te prosterner de ce que j'ai créé, c'est-à-dire Adam, avec mes deux mains? Biyadei, mes deux mains. Comme ça, il a dit, deux mains. Et le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique, il a dit que Allah Ta'ala yani, avait deux mains. Et il a dit, qu'il t'a yadei yamin. Il a dit, ces deux mains sont la droite. Ces deux mains sont la droite. Et dans un hadith authentique aussi, que Allah Ta'ala yom al-qiyama, yani, que Allah Ta'ala, attendez, je me rappelle le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Non, que Allah Ta'ala a dit à Daoud alayhi salam, il lui a dit, choisis l'une de mes mains. Et Daoud alayhi salam a dit, je choisis la droite de mon Seigneur. La droite de mon Seigneur. Ensuite, il a dit, et les deux mains d'Allah sont la droite. Al-Muhim, il y a beaucoup de dalil, Inch'Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala a deux mains. Quant aux deux pieds, il n'y a pas un hadith comme ça clair qui dit que Allah Ta'ala a deux pieds. Mais ils se sont basés sur le hadith de Abdullah ibn Abbas. Lorsqu'il a parlé de Kursi, Wasi'a Kursiyuhu, dans Ayat al-Kursi, Wasi'a Kursiyuhu, Samawati wal-Ard, il a expliqué le Kursi en disant, c'est quoi? C'est le repose-pied. C'est-à-dire le repose-pied d'Allah Azzawajal. Le repose-pied d'Allah Azzawajal. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit de ce hadith de Abdullah ibn Abbas qui est authentique, on prend que Allah Ta'ala a deux pieds. On prend que Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds. Sinon, il n'y a pas un hadith comme ça, clair, authentique, qui cite les deux pieds. C'est citer le pied, c'est citer la jambe, mais ce n'est pas citer le nombre. Ils l'ont pris de ce hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Quant aux deux yeux, c'est cité dans le Coran, et c'est cité dans le hadith authentique, où le messager d'Allah en parlant de Messie Dajjal, le borgne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il avait un seul œil, et que, yani, il a dit que Rabbakum inna Rabbakum laysa bi'awar, et que votre Seigneur n'est pas borgne. Les savants ont dit, puisque le Messie Dajjal est borgne, et que Allah Ta'ala n'est pas borgne, ça veut dire qu'il a deux yeux. Celui qui n'est pas borgne, c'est celui qui a deux yeux. Et les savants ont dit, si Allah Ta'ala avait plus que deux yeux, il avait trois ou quatre ou cinq ou six, alors le messager d'Allah n'aurait pas laissé cette occasion pour le montrer. Il aurait dit, le Messie Dajjal est borgne, et votre Allah Ta'ala n'est pas borgne. Il a six yeux, il a huit yeux, mais il ne l'a pas dit. Ça veut dire qu'on a compris quoi? Qu'il a deux yeux. Naam. Et je crois qu'il a demandé sur autre chose aussi que je n'ai pas noté ici. S'il y avait autre chose qui manque ici, vous me la dites, Inch'Allah Ta'ala. Pour le musulman qui doit accepter. Naam. La question où il est dit, comment un musulman doit-il accepter un malheur, etc., alors que ça lui fait mal? Et le fait que ça lui fasse mal, est-ce que yani, ça se contredit avec l'acceptation ou pas? Je dis que peut-être cette personne n'a pas bien compris le dars de tout à l'heure. Je dis, quand un malheur nous arrive, on doit regarder de deux côtés ce malheur. Premier côté, d'où vient ce malheur? Il vient d'Allah. En ce sens, ce que fait Allah Ta'ala, c'est le plus sage, c'est le plus beau, c'est la rahma. En ce cas, vu de ce côté, je dois accepter un iskafir Allah Ta'ala. Ensuite, deuxième point de vue, je regarde quoi? Je regarde le malheur lui-même. Et en regardant le malheur lui-même, alhamdoulillah, ce n'est pas obligé que je l'accepte. Mais ce que je dois faire, c'est quoi? C'est patienter. Donc je dis à mon frère, si t'arrive un malheur, je te dis pas, tu dois accepter le malheur. Je te dis, tu dois patienter. Tu dois patienter dans ce malheur, ne dire que ce que Allah Ta'ala aime, ne faire que ce que Allah Ta'ala aime, et ne te comporter que comme se comporte un vrai musulman. Non. Quand il te fait mal, et tu pleures, et tu souffres, et tu dors pas la nuit, et tu as mal à la tête, tu as mal dans le dos, tout cela rentre justement dans ce malheur. Le malheur, Allah Ta'ala a voulu que ce malheur justement te fasse mal. Te fasse mal au dos, à la tête, je ne sais pas où, te fasse pleurer, justement, c'est voulu. C'est voulu, c'est une grande sagesse. C'est voulu, tu vas voir comment ça va te transformer, comment ça va yani, te changer, comment ça va te faire mûrir, comment ça va, yani, combien ça va t'enlever de péché, combien ça va t'annuler de quoi? De péché que tu as fait. Naam. Donc la patience est de rigueur. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, de ne pas patienter, c'est tout. Enfin, pour la personne qui a dit que les salaf, etc., yani, quand ils font une mise en garde, etc., comment qu'on doit faire, etc., je dis, je ne fais jamais une mise en garde contre quelqu'un sans être sûr que quoi? Que cette personne mérite la mise en garde. C'est pour cela que jamais je ne mets en garde contre une personne, si cette personne, ce n'est pas un homme de science ou un savant qui a mis en garde contre elle. Pourquoi? Car il se peut que moi, j'ai une petite science. Je suis encore ignorant. Et j'entends cette personne dire une chose ou faire une chose. Et moi, avec mon ignorance, je vais croire qu'elle a dit quelque chose de faux ou qu'elle fait quelque chose de faux. Alors, je vais mettre en garde contre elle. En fin de compte, je suis en train de mettre en garde contre quoi? Contre quelque chose de juste, quelque chose dans la sunna, quelque chose dans le Coran. Donc, c'est moi qui vais avoir les péchés. Mais s'il y a un homme de science ou un savant qui a bien vu, qui connaît cette personne, il a lu ce qu'elle disait, il a entendu ce qu'elle dit, naam, et maintenant il va dire que cette personne n'est pas bien, ou elle n'est pas dans le minhaj, ou là elle fait des fautes, ou là ceci. Maintenant, alhamdoulillah, toi, quand tu mets en garde, ce n'est pas toi qui as inventé. Naam, c'est celui qui t'a dit que cette personne est dans le faux. S'il s'est trompé, c'est lui qui aura des péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, toi, tu n'as fait que ton devoir. Et c'est lui qui, s'il s'est trompé, c'est lui qui aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Reste que quoi? Reste que... Naam. Maintenant, même si cette personne, yani a un mauvais minhaj, ou la mauvaise aqida, ou la yani, et que je dois mettre en garde contre elle, ou là que je veux mettre en garde contre elle, il y a aussi, bien sûr, des conditions, etc., qu'on a citées dans le DAS, lorsqu'on a parlé de yani, vous pouvez relire ça, ou la réentendre ça, dans le DAS, yani, les règles de la prédication. Les règles de la prédication. Naam. Taïb. C'est pour ça que, donc, il ne faut pas se précipiter de mettre en garde jusqu'à ce qu'on soit sûr et jusqu'à yani, chercher le moment opportun où naam, je vais dire yani, ce que je dois dire, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, je crois que c'est tout pour les questions. Allah Ta'ala. Tu vas dans les 5 prochaines. Donc, cher, je voudrais juste vous dire, donc il y a deux sœurs qui demandent un rendez-vous téléphonique. C'est assez urgent. Inch'Allah, donc si vous le pouvez, vous me dites. Ensuite, je voudrais dire par rapport à, donc parfois, cher, je vous interpelle, bien que des fois il y a des pseudos, c'est pas des pseudos corrects, c'est des sites. Des fois, c'est des sites internet qui sont mauvais. Certes, parfois, on n'a pas le temps de parler avec la personne en PV et tout. Donc, juste, les personnes qui sont bounties, on ne fait pas exprès. On enlève les personnes, enfin, les pseudos qui sont mauvais, ou alors les pseudos qui sont des gens de la bid'a. On fait juste notre travail et on demande à Allah qu'il nous accorde l'ikhlas. Donc, la question, cher. Donc par rapport à Paltok, c'est la question de Salafia. La question est en arabe, Salam alaykoum, hal jaiz qabul al-hidayah min al-kuffar fi Eid al-Christmas wa barakallahu fikoum. C'est une question qui est assez d'actualité, chère. Donc ça c'est la première question. La deuxième, alors inshallah, c'est Abu Wassim. Donc, salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikh, qu'Allah vous accorde le Firdaus. Alors, frère, voudrait savoir si une personne était dans un mauvais minhaj, dans le passé, et qu'elle avait un site qui propageait cette voie d'égarement, de la bid'a. Une fois cette personne repentie, a-t-elle une responsabilité sur le site qui lui appartient avant son repentir, sachant que maintenant, des personnes continuent à prendre de ce site, même si le site est retiré de l'internet. Voilà que l'Africo. Donc, troisième question de Mohamed. Mohamed, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Y a-t-il une chose qui change lorsque la prière, lors de la prière, lors de la prière, lorsqu'on récite un verset après lequel il est recommandé de se prosterner? Yani, lorsqu'on récite et un passage où il y a donc la prosternation. Qu'est-ce que ça change lorsqu'on est en prière? Je vous remercie. Je vous remercie. Nam Barklofik, donc on passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Alors, c'est la question de Soulayman 72. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne les personnes qui ont des incontinences urinaires. J'avais vu que l'on devait faire les ablutions pour chaque prière et que la prière serait valide même avec l'urine. Entre parenthèses, car c'est incessant. Qu'en est-il des prières surérogatoires liées aux prières obligatoires? Assalamu alaikum, barakallahu fikoum. Question suivante de Abdelhakim 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yeshir. Est-ce que la plume a écrit tout ce qui allait se passer jusqu'au jour du jugement? Ou bien elle a aussi écrit ce qui allait se passer après? Car je sais que certains hadiths racontent quand des gens vont sortir de l'enfer, etc. Mais comme Allah a dit à la plume d'écrire tout ce qui allait se passer jusqu'au jour du jugement, je voudrais savoir comment raccorder tout ça, Inch'Allah. Tfadal, cher. En ce qui concerne la question de la prière, je t'ai pas comprise. Elle a dit que j'ai entendu le mot prosternation. La prosternation, etc. Qu'est-ce que ça change dans la prière? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je t'ai pas compris. Non, cher, donc je n'ai pas parlé de prosternation. Donc, Inch'Allah, je vais relire la question. Ma question concerne les personnes qui ont des incontinences urinaires. Et j'avais vu que l'on devait faire les ablutions pour chaque prière et que la prière serait valide même avec l'urine, car c'est incessant. Qu'en est-il des prières surérogatoires liées aux prières obligatoires? Barakallahu fikoum. Tfadashir. Justement, c'est pas ça la question. Jazakallahu khairan. Avant celle-là, il y avait une question sur la prière. La prière, naam. Où elle a dit que, voilà, ça parlait d'une prosternation. Madame, c'est moi. Donc, Inch'Allah, je vais répéter. Donc, en fait, Chir, lorsque vous faites la prière, il y a un passage, il y en a dans une sourate, il y a donc soujoud. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça change dans une prière? Qu'est-ce qu'elle doit faire en réalité? Vous m'avez compris, Inch'Allah? D'accord. Madame, je répète, Chir. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Donc là, Chir, la personne dit lorsque il y a des passages dans le Coran où il est recommandé de faire le sujoud à ce moment-là. La personne dit lorsqu'elle fait la prière, lorsqu'elle est en prière, et qu'elle arrive à ce moment-là, qu'est-ce que ça doit qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce que ça change? Yanni par rapport à qu'est-ce qu'elle doit faire en réalité à ce moment-là. Est-ce que vous m'avez compris, chef? Vous avez compris la question, chef? Non. Donc là, chef a dit, y a-t-il quelque chose qui change lors de la prière lorsqu'on récite un verset après lequel il est recommandé de se prosterner? Yanni, elle veut savoir comment ça se passe, je pense. Si elle se prosterne ou pas, non, mais elle ne sait pas. Yanni, ce qu'elle doit faire. Elle demande ce qu'elle doit faire à ce moment-là. Et bien sûr, plus exactement, lorsqu'il est recommandé de se prosterner. Lorsqu'on sait qu'à ce moment-là, du verset, à la fin de ce verset-là, on doit se prosterner. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle demande des détails. Voilà, Assalamu alaikum wa rahmatullah. On ne m'a pas dit pour la première question qui est en arabe. Si je dois répondre en arabe ou en français. Ça y est. Le temps que vous me répondiez, je passe à la deuxième question. Celui qui avait un site autrefois et qui n'était pas dans le minhaj, etc. Et que, alhamdoulilah, maintenant, il quoi? Il s'est repenti. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il a toujours le site, dans le site, il doit, yani, montrer que, yani, ce qu'il disait, etc., c'était de l'erreur. et du faux. Et il doit corriger, montrer que l'hamdoulillah, la dihada, la dihada, est comme ça. Naam. Maintenant, si le site est retiré, et comme il a dit lui, si le site n'existe plus, alhamdoulillah, si le site n'existe plus. Alhamdoulillah, les gens n'ont pas à prendre encore une fois de ce site les choses qui sont mauvaises, puisque le site n'existe plus. Et si le site existe, il doit rentrer à l'intérieur et changer pour se rattraper. Pour se rattraper. Naam. Pour la prière où il y a une prosternation, quand il y a une prosternation dans la prière, c'est comme on veut. C'est comme on veut. Si on se prosterne, on a des hasanat. Si on ne prosterne pas, on n'a pas fait quelque chose de haram. Naam. Et le mieux, comme vous savez, c'est de se prosterner. Si on se prosterne, on dit normal, subhanallah, ala wa bihamdihi. Et ensuite, on dit la doua de la prosternation, si on la connaît. Naam. Pour l'incontinence urinaire, justement, les savants disent que celui qui a une incontinence, par exemple urinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la dernière minute, quand c'est le moment de la salat, pour faire la prière, pour faire les ablutions. Il ne les fait pas auparavant, mais il l'attend à la dernière minute quand il sait que il va rentrer maintenant dans la salat. Alors il fait ses ablutions, et qu'est-ce qu'il peut faire? Et il peut faire les ablutions qu'il vient de faire, il peut faire la salat qui est avant et après. Avant et après, salat al-fard. Ça rentre à l'intérieur. Surtout celle qui est après. Donc les salats rawatib qui sont collés avec salat al-fard, ça rentre quoi? Ça rentre, inshallah ta'ala, dans les ablutions. Une seule ablution. Naam. La question de la plume. Allah Ta'ala a dit à la plume d'écrire, et elle a écrit tout ce qui va avoir lieu jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Tout ce qui va avoir lieu jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Et Yawm al-Qiyamah, c'est obligé que ça finisse par quoi? Pour toute personne. C'est obligé que ça finisse par le paradis ou l'enfer. Et la plume a écrit pour toute personne où est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir en enfer ou là au paradis? Et le messager d'Allah est sorti une fois avec deux livres dans sa main. Il a levé comme ça un livre avec sa main droite. Il a dit dans ce livre, il y a les noms des gens avec leurs parents et leurs tribus de tous ceux qui vont rentrer au paradis. Celui qu'il avait, il a levé l'autre main, un autre livre, il a dit, dans ce livre, il y a les gens de l'enfer, leur nom, avec leur père, leur mère et leur tribu. Et tous ceux qui sont marqués ici vont rentrer en enfer. Donc toute personne qui va aller ou bien en enfer ou bien au paradis a été écrite par la plume. A été écrite par la plume. Et nous, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas lu le livre, on n'a pas lu les deux livres qui étaient chez le messager d'Allah. Et on ne sait pas si on est de l'enfer ou du paradis, c'est pour ça que on doit prendre les sabab et faire des efforts en demandant à Allah Ta'ala de nous mettre dans le livre qui est destiné au paradis. Non. Mais si on savait ce qu'il y a dans le livre, on se serait suffi. On dit que puisqu'il y a dans le livre que je suis en enfer, là, rien ne va changer, ou là, au paradis. Mais c'est parce qu'on ne sait pas que justement Allah Ta'ala l'a caché. On doit faire des efforts en prenant des asbab et en demandant à Allah Ta'ala de nous aider. Pour les cadeaux qui nous viennent à l'occasion d'une fête, comme le Christmas ou le Christmas, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est interdit, religieusement, c'est interdit de prendre des cadeaux en des circonstances pareilles. Pourquoi? Parce que le kafir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de fêter sa fête religieuse, qui n'est pour le musulman que du shirk, du grand shirk et de l'associationnisme. Le kafir vient de dire que Allah c'est Jésus, Jésus c'est son fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jalouta, Jalouta. Et Mohim, shirk sur shirk, toi, tu ne dois rien accepter de pourquoi? Pour montrer que tu te désavoues de ce qu'ils sont en train de faire. Car si tu acceptes un cadeau d'eux en une circonstance pareille religieuse, ça veut dire que tu approuves ce qu'ils font. C'est comme si tu leur as dit, merci pour le cadeau, que Allah Ta'ala vous aide, que Allah Ta'ala vous aide dans votre shirk et dans votre désobéissance et dans votre mécréance. C'est pour ça que c'est interdit de prendre un cadeau si c'est quoi? Si c'est quelque chose de religieux. Si c'est pas quelque chose de religieux, c'est pas haram. Non. Si ton voisin, le kafir, te donne un cadeau à l'occasion de la naissance de ton fils, tu le prends, inshallah ta'ala, ce n'est pas haram et ça n'a rien à voir avec le shirk ou le kufr. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadl, les cinq prochains, inshallah. Donc je vous rappelle, je vous ai demandé le chef par rapport au rendez-vous téléphonique. J'ai une question sur le cours en même temps. On m'a demandé 100 PV en dehors des autres questions sur le cours. De préciser la différence. Parce que alhamdoulilah, on a une question qui est directement sur le cours. Je la pose si vous voulez. Sinon, on passe aux questions habituelles. C'est comme vous voulez faire. Est-ce que vous acceptez qu'on pose cette question en même temps que les autres? Barakallahu fikoum. On me demande cher par rapport une explication par rapport au verset du Coran. L'année qui dit en français, tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. L'année, ça c'est le verset sourate 4, verset 79. Et un autre verset cher. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquise. Sourate 42. Voilà, chers amis, juste une explication par rapport à ces deux versets coraniques. Maintenant, donc, on passe à la question de Ikhlas, Inch'Allah. Salam alaykoum, chers. Est-ce qu'une femme pourra parler au prophète, aux autres prophètes ou aux autres compagnons ou aux savants au paradis? Et pareil pour un homme. Est-ce qu'il pourra parler aux mères des croyants et aux femmes des compagnons? Donc je passe à la deuxième question, c'est la question de Shahina 2. Donc j'ai pas la question de Zineb du 57, ni au Mariam du 131. Je n'ai pas. Donc je passe à la question de Shahina 2. Salam alaikum wa rahmatullah, une sœur sujette à des pertes blanches de façon continue. Ça, c'est pas la salat. Enfin, elle demande si elle doit refaire les ablutions après avoir fait 4 rak'at sur les égouttoirs avant de dormir, sachant qu'elle les fait juste avant l'entrée du dos. Et même question sur la salat, doit-elle refaire ses ablutions? Yani. Donc, je répète, une soeur sujette à des pertes blanches. Elle dit donc qu'elle doit refaire les ablutions après avoir fait 4 rak'at sur le bâton, après tout. Alors que c'est des nawafil. Sachant qu'elle les fait juste avant l'entrée du dehors. Même question pour Salat al-Subh. Doit-elle refaire ses ablutions après avoir fait la salat nawafil avant Subh? Donc la troisième question de Minhaj 25. Salam alaikum, Shir. Hayakumullah. Aujourd'hui, c'est le 9e jour de Ashura. Peut-on le jeûner même si ce jour tombe samedi? Barakallahu fikoum. Tfadl akhi. Baraka, donc on passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Et c'est la question de Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Puisse le tout miséricordieux, l'entendant, vous accorder le plus haut du paradis et vous préserver de tout mal. Amin. Ma question concerne les prières de la nuit. Est-ce que les 11 rak'at, après la salat et les isha, sont considérés comme des salat et qiyam al-layl? Quelles sont les différentes possibilités pour les prier selon la sunna? Jazakumullah khairan, cher. Pour votre réponse, J'invoque Allah Azzawajal de vous rétribuer par le bien. Amin. Donc c'est la question de Umm Saouda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, cher. Est-il vrai que tout grand péché, entre parenthèses, al-kabair, font partie de la mécréance mineure? Kufr asghar. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Naam, alaykoum salam wa rahmatoullah. Tayyib, pour le rendez-vous téléphonique, rappelle-moi, inshallah ta'ala, à la fin du cours, pour te dire si je peux ou je peux pas, inshallah ta'ala. Naam. Ensuite, pour la personne qui a dit que, yani, elle voulait comprendre, par exemple, comment joindre entre le verset qui dit que tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Et tout malheur qui t'atteint vient de toi. Comment on va joindre, grouper entre ce verset qui dit tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout malheur qui t'atteint vient de toi avec l'autre verset qui dit tout, yani, tout malheur qui t'atteint vient de ce qu'ont fait tes mains. Ce qu'ont fait tes mains. Je dis, là, inshallah ta'ala, il n'y a aucun problème. Justement, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Dans ces deux versets, il n'y a aucune contradiction apparente. Pourquoi? Parce que, quand dit les deux versets, ils ont dit que tout le bien qui t'arrive, il vient d'Allah. Ensuite, pour le malheur, un des versets a dit, tout malheur qui t'arrive, arrive de toi. Et le deuxième a dit, tout malheur qui t'arrive, c'est par tes mains. Donc, il n'y a pas de divergence. Tout malheur qui t'arrive, c'est à cause de toi. Et c'est aussi à cause de tes mains, c'est-à-dire c'est toi qui l'as fait. Non, c'est toi qui a été la cause. Toi qui a été la cause. Mais justement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment joindre et concilier entre deux versets, celui qui dit tout bien qui t'arrive, c'est d'Allah, et tout malheur qui t'arrive, c'est de toi. Ensuite, la fin du verset, et Allah Ta'ala dit que les deux, que ce soit le bien ou que ce soit le mal, viennent d'Allah Ta'ala. C'est ça le problème. C'est ça où yani, il fallait poser la question. Quant à l'autre, c'est clair. Chaque malheur qui vient, c'est ta faute. C'est de toi et dans l'autre, c'est tes mains qui l'ont fait. Tu as fait quelque chose et le malheur t'est venu. Mais le problème, c'est quand Allah Ta'ala dit que c'est aussi de lui. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Dit, tout vient d'Allah. Que quand ils sont là, ils ne comprennent rien. Non. Maintenant, donc on va concilier entre le fait que Allah Ta'ala dise le malheur vient de toi et le fait qu'il dise vient d'Allah Ta'ala. Non. Quand il dit vient de toi, ça veut dire que c'est toi qui as été la cause. C'est toi qui as été la cause. Tu as fait un péché ou là et il t'a donné le malheur. Et quand il dit vient de lui, non, ça veut dire que c'est lui qui a créé le malheur. Lui, il l'a créé, toi, tu l'as fait. Tout ce qu'il y a dans l'univers a été créé par Allah. Il n'y a pas de Dieu. Il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, le seul. Il a créé le bien, il a créé le mal. On ne dit pas comme certains mubtadi'a qui disent Allah ta'ala a créé le bien et Shaitan a créé le mal. Shaitan n'est pas un Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est Allah. Il a créé le bien, il a créé le mal. Le mal, il l'a créé, mais c'est toi qui l'as fait. Il t'a dit ne le fais pas et tu l'as fait. Non. Et quand il a créé le mal, il n'a pas créé en tant que mal. Il a créé non, un mal qui contient beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Il n'y a pas un mal en lui-même à 100% chez Allah Ta'ala. Ça, c'est pour les deux versets. Ensuite, pour la femme, est-ce que Yom Kiyama, elle parlera aux hommes dans le paradis et le contraire. Je dis au Allah subhanahu wa ta'ala que yani, il n'y a rien dans la sunna ou là qui montre cette chose. Je ne connais rien dans la sunna qui dise ou là qui a cité une chose pareille. Mais je dis comme ça de ma tête, si je me trompe, c'est mon ignorance et mon shaitan. Si je dis juste, c'est Allah ta'ala qui m'a aidé. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui ne souhaiterait pas, par exemple, parler au messager d'Allah. Et je ne pense pas, Allahu A'lam, qu'elle en serait privée. Non. Comment? Le messager d'Allah, celui que j'aime plus que mon père et ma mère, et il y en est au paradis, je le rencontre et je ne vais pas lui parler, alors que dans cette vie, les femmes lui parlaient. Donc, je dis franchement, ça m'étonnerait qu'une femme, il y a une croyante au paradis, qui lui soit interdit de parler avec le messager d'Allah. Ça m'étonnerait, Wallahu alam. Et vice-versa. Ça m'étonnerait aussi que comment yani, on ne parle pas avec nos mères, alors qu'elles sont nos mères. Comment on ne parlerait pas avec Aïcha, avec Safiya, avec Ramla, avec Wallahu alam. Je dis Wallahu alam, je dis Wallahu alam trois fois. Non. Taïb, autre chose. Pour les pertes blanches, je viens de dire tout à l'heure que les salat rawatib, qui sont collées à la salat obligatoire, les savants disent qu'elles ont le même jugement que la salat obligatoire. C'est-à-dire que pour les rawatib, qui sont collées à la salat obligatoire, on ne refait pas le wudu. Non, je l'ai dit tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne le fait de jeûner samedi, comme aujourd'hui par exemple, alors qu'on est le 9 Muharram, vous savez que le messager de l'Aïssa a dit que si jamais je vivrai, si je vais vivre l'an prochain, je vais jeûner le 9. Donc, il est de la sunna de jeûner le 9. Parce que le problème, cette année, le 9 est tombé un samedi. Et jeûner un samedi pour la Nafila, pas quelque chose d'obligatoire, il y a une divergence entre les savants dans cette chose. La plupart des savants ont dit c'est permis de jeûner le samedi à condition qu'on jeûne samedi, dimanche ou bien vendredi, samedi, pas tout seul. Et d'autres ont dit c'est permis de jeûner même samedi tout seul à condition de ne pas le choisir. C'est pas moi qui vais choisir samedi et je vais jeûner. Mais si ça tombe comme ça, dans un jour où il est préférable de faire le siyam, comme par exemple cette année. Non. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Qayyim, la plupart des savants. Et certains ont dit que dans tous les cas, il faut éviter le samedi, si c'est seulement Nafila. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a dit samedi, il n'y a pas de siyam. Non, on fait le somme seulement non, si c'est quelque chose d'obligatoire. Si c'est pas obligatoire, on ne fait pas. Donc, c'est d'après quel est l'avis qui nous convainc que nous, on va jeûner ou bien ne pas jeûner. Vous avez compris? Celui qui a été convaincu par l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ne jeûne pas aujourd'hui. Et il commencera à jeûner demain, inshallah. Et, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, alors il pourra ajouter le lundi. Surtout que le lundi, en général, c'est un jour où il est bien de jeûner. Et surtout pendant ce mois Muharram. Naam. Et s'il est maintenant convaincu par l'avis de la plupart des savants, il dira alors, il n'y a aucun problème de jeûner samedi. Je jeûne et j'ajoute encore dimanche. Ou si je peux, j'ajoute encore lundi. C'est pourquoi aucune personne, il ne lui est permis, par exemple, ou bien de critiquer celui qui a jeûné aujourd'hui s'il est convaincu. Ou bien de lui imposer de jeûner le samedi si elle n'est pas convaincue. Ça, alhamdoulillah, personne n'a le droit de le faire. Si j'ai lu, entendu les savants et sirah, je suis convaincu par un des deux avis, je ne suis pas obligé de suivre l'autre avis. Et personne ne peut me forcer à suivre son avis. Ni moi, je ne peux critiquer celui qui n'a pas pris mon avis. Comme ça, ont vécu les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Voyager ensemble, certains jeûnaient, d'autres mangeaient. Jamais une personne ne disait à l'autre pourquoi tu as mangé, ni l'autre pourquoi tu n'as pas jeûné aujourd'hui. Naam. Et vous connaissez tous l'histoire qui se trouve dans Sahih Muslim, où les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le messager de Allah leur a dit, il faut que vous fassiez salat al-dhuhr dans tel endroit, salat al-asr, à Bani Quraïda. Dans certains hadiths, c'est cité salat al-dhuhr comme dans Muslim. Et il leur a dit, il faut que vous fassiez salat al-asr, par exemple, je vous donne un exemple là, Par exemple, ils sont à Paris, il a dit, il faut que vous fassiez Salat al-Asr à Marseille. Donc, et ils sont sortis, par exemple, de Paris, allant vers Marseille. Il a dit, il faut que vous fassiez Salat al-Asr à Marseille. Maintenant, au milieu de la route, qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé l'heure de Salat al-Asr. Certains ont dit, venez, on va faire Salat al-Asr. Car le messager d'Allah, lorsqu'il a dit, il faut que vous fassiez, par exemple, Salat al-Asr à Marseille, ce n'est pas spécialement, il voulait Marseille, mais il voulait qu'on fasse vite. Ça veut dire, faites vite pour que vous la fassiez à Marseille. Mais, si en cours de chemin elle arrive, il faut que vous la faites. Comme ça, ont dit certains sahaba, ce jour-là. Et d'autres ont dit, non, il n'a pas dit comme ça. Il a dit, il faut que vous faites Salat al-Asr à Marseille. Donc maintenant, on ne fait pas Salat al-Asr. Quitte à ce que la nuit tombe. Quitte à, on arrive à Marseille la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils ont divergé. Certains ont fait la prière et l'autre ne l'ont pas fait. L'autre ont attendu jusqu'à l'arrivée de Bani Quraïda, quand ils sont arrivés à Bani Quraïda. Et les autres ont dit non, c'est impossible. La salat, il faut qu'elle se fasse à l'heure. Ce n'est pas ce qu'a voulu dire le messager d'Allah. Et vous voyez, ils ont divergé. Chacun a fait sa salat comme il a été convaincu. Et le messager d'Allah, comme vous savez, vous connaissez tous le hadith, n'a dit ni à cela que vous aviez tort. Que vous aviez tort. El-Mohim. C'est pour jeûner le samedi. Ensuite, pour les 11 rak'at après la Isha, ces 11 rak'at qu'on fait après Salat al-Isha, ça s'appelle l'huître. Ça s'appelle aussi Qiyam al-Layl. Naam. Et, bien sûr, ce n'est pas une salat obligatoire. Ce n'est pas une salat obligatoire. On peut faire après Salat al-Isha, qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux rawatib. Après Salat al-Isha, il y a deux salats qui s'appellent rawatib. Celle-là, quand on termine Salat al-Isha, on les fait. Après avoir terminé Salat al-Rawatib, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce qu'on appelle le witr. Et le witr, tu peux faire ou bien une seule rak'at, ou bien trois, ou bien cinq, ou bien sept, ou bien neuf, ou bien onze, et certains disent jusqu'à 13. Comment les faire? On l'a expliqué plusieurs fois. Et il y a un livre spécialement du Cheikh Al-Albani rahimahullah qui s'appelle Qiyam al-Layl, où il est montré qu'il y a quatre ou cinq façons comment faire ces 11 rak'at après la Isha, Inch'Allah Ta'ala, et je l'ai cité plusieurs fois. Entre autres, par exemple, on peut faire 4 rak'at, ensuite 4, ça fait 8, ensuite 3 à la fois. 3 à la fois, et on dit salam alaykoum, ça fait 11. Ou bien 2, 2, 2, 2, 2, et à la dernière, on fait une. Naam. Ou bien 8 à la fois, ensuite seulement 3. Il y a 4 ou 5. 4 ou 5 façons. Peut-être qu'un jour on les relira avec détail du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Al-Muhim, on ne doit pas dépasser 11 ou 13. Naam. Enfin, la dernière question, est-ce que tout grand péché est un kofr asrar? Certains savants ont dit comme ça. Naam. Certains savants ont dit tout grand péché, c'est au fond c'est quoi? C'est un coffre. Non, quand tu fais un péché, c'est une sorte de coffre, mais petit, qui ne fait pas sortir de l'islam. Pas comme les takfiris, bien sûr. C'est un petit coffre, ça s'appelle coffre ni'ma. Tu n'as pas reconnu les ni'ma d'Allah Ta'ala, les bienfaits. C'est pour ça que tu as fait ce péché. Wallahu Ta'ala alam. Barakallahu fikoum, cher. Donc, on passe aux autres questions, inch'Allah. Donc, c'est la question de Ousmane 1. Alors, c'est bien ça. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai lu dans un article traduit concernant les innovations de Ashura de Cheikh l'Islam Moutaymi, qui nous incombe de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lorsqu'on se rappelle la mort d'Al-Hussein, radiallahu anhu, afin de recevoir la même récompense que lui le jour où il a connu le martyr. Est-ce que cela est vrai? Pouvez-vous nous expliquer cela, Jazakumullah khair? une seule question. Donc on passe à la deuxième question, inchallah. Donc Abdullah 95. La question elle est un peu longue. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, on peut lire un peu partout de la part de certains qui aiment spéculer. Mais qui aiment qui aiment parler dans le rang. Que la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, avait l'âge de 14, 15, 17, voire 18 ans ou 20 ans lorsque, lors de son mariage avec le prophète sur la scène. Alors que l'on sait qu'elle s'est mariée à l'âge de 6 ans et que le mariage fut consommé à l'âge de 9 ans, rapporté même dans les deux Sahih, Al-Bukhari wa Muslim. De quel groupe font partie ces personnes qui spéculent de la sorte et remettent ceci en doute? Les chiites, les sunnites égarés, soi-disant certains savants sunnites soutiennent cette thèse. Personnellement, jamais j'ai entendu cela. Ils disent que ce hadith est dans la catégorie de hadith ahad, donc discutable. Ils disent aussi que l'un des rapporteurs est Hisham ibn Arwa, avait des déficiences, qu'il perdait la tête avec l'âge et que les récits qu'il a rapportés de l'Irak ne sont pas fiables. Tout ceci selon Yaqub ibn Shayba, qui dit également que Malik ibn Anas s'est opposé aux récits de Hisham qui sont rapportés par le peuple qui vivait en Irak. Il se base sur des ouvrages parlant des rapporteurs de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Tahdi Tahzib ou je ne connais pas ces ouvrages ni les auteurs, je vous rapporte la chose telle que je les ai eues. Donc c'est un peu faut l'écrire en arabe, c'est mieux. Aussi, toujours d'après ces gens, Ibn Kathir Rahimahullah aurait fait allusion à un de ses commentaires du Coran, Aïcha radiallahu anha, était bien plus âgé. Malheureusement, certains tombent dans ces pièges. Donc, je vais juste abréger la question. Je voulais aussi vous demander, Yachir, j'ai lu quelque part ce hadith, j'aimerais savoir s'il existe ou pas. La mort d'un savant est préférable pour Shaitan que 1000 musulmans ordinaires. Barakallahu fikoum cheikh, wa jazakoum allah khair. Donc, une troisième question, c'est Abou Ahmed 80. Est-ce que le fait de faire la salat sujoud à une personne te fait sortir de l'islam? Est-ce que la personne qui fait salat, qui fait un sujoud à une personne, à un être humain, fait sortir de l'islam? Tfadallah fi muslim alhamdulillah. Jazakoum allah khair. Donc on passe sur le InSpeak. C'est la question de Hurt 19. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le mort, c'est que telle personne de sa famille lui fait dua? C'est-à-dire, est-ce que les anges lui transmettent nos dua? Et est-ce qu'ils ressentent notre présence auprès de leur tombe? Question de Abu Nour. Assalamu alaikum. Certains frères du Jamaat al-Tablir disent que le jour où Allah fera rentrer ses serviteurs au paradis, les habitants seront accueillis par des chants. Ils disent que tout d'abord, ce sont les anges qui chanteront d'une voix inimaginable. Ensuite, ils disent que le prophète Daoud, alayhi salam, récitera ce qu'Allah voudra de son livre. Puis viendra le tour de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de lire la sourate de Yassin, qui aura une voix qui rendra presque ivre les habitants du paradis. Et pour terminer, c'est Allah Ta'ala qui récitera la sourate Taha, et d'autres frères disent Ar-Rahman. Et là, les habitants seront dans un état de folie. Donc, on a fait des recherches concernant le paradis et ses délices. Il n'y avait rien, ni hadith inventé, ni authentique. Donc, existe-t-il une source à ce sujet, surtout concernant le fait qu'Allah va psalmodier le Coran. Tfadal, cher. Je n'ai pas compris, ou je n'ai pas bien entendu. S'il y avait une question sur la salat, où il est dit est-ce que le fait de ne pas la faire fait sortir de l'islam? J'ai entendu la question de soujoud. Soujoud à une personne, est-ce qu'il fait sortir de l'islam? Mais avant ce soujoud, il y avait une question sur la salat. C'était quoi exactement? Adi wahda. Et ensuite, j'ai pas bien entendu la première question qui parle de l'Ashura. La première question qui parle de l'Ashura. Madame, cher, c'est moi qui ai posé les questions. Donc, pour ce qui est de la Ashura, je vais vous poser la question, cher. Donc, pour ce qui est du soujoud, cher, c'est pas la salat, c'est faire un soujoud pour une personne. La personne a fait elle est devant elle, et la personne, elle se plie en soujoud devant elle. Est-ce que ce geste-là, Yanni, bien que c'est général, il n'y a pas de précision, est-ce que ce geste-là fait sortir de l'islam? Donc, alors, je vais vous lire la question de Ousmane 1. C'était par rapport donc à Yanni. Elle a lu cette soeur-là, elle a lu dans un article. Je vous le dis en entier. Ah oui. Donc la perte de Cheikh Afoul, la sœur a changé sa question. Donc c'est pas la peine qu'on pose la question sur Ashura. Je relis l'autre question. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Récemment, j'ai eu une grande dispute avec ma mère et je me suis senti tellement opprimé que j'ai demandé à Allah Azzawajal qu'elle meure. C'est vraiment la première fois que je fais cette doua contre elle. D'habitude, je lui demande toujours la guider. Que me conseillez-vous? Dois-je me repentir? Je ne sais pas si j'avais le droit de dire cela. Yani, voilà la question, chef. Walaikum salam wa rahmatullahi Je commence par celle qui vient de poser la question maintenant, qui a dit qu'on lui a fait tellement mal qu'elle a fait des doigts contre sa mère. Je lui ai dit, Inch'Allah ta'ala, qu'elle devrait se repentir d'avoir fait cette chose. Car jamais, jamais, on ne fait de doigts contre les parents. Bien sûr, sauf si on leur fait des parents pour qu'Allah ta'ala les guide. Pour qu'Allah ta'ala les guide. Naam. Et, sauf bien sûr, s'ils sont yani, des mécréants qui sont yani, vraiment contre l'islam et qui veulent détruire l'islam et qui veulent, là, ce sont devenus des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans notre cas, comme c'est une musulmane qui parle de parents musulmans, elle devrait regretter, inshallah ta'ala, ce qu'elle a fait. Naam, elle devrait regretter avec le cœur, demander à Allah ta'ala pardon et avoir l'intention dans le cœur sincère de ne plus jamais refaire cette chose pour que Allah Ta'ala lui pardonne. Et elle devrait faire des doigts maintenant à sa mère dans la salat. Et même, yani, faire des choses pour yani, épancher son cœur. Lui acheter quelque chose ou là pour yani, épancher son cœur, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'elle lui pardonne, même si elle ne sait pas ce qui s'est passé. Que Allah Ta'ala l'aide. Ensuite, en ce qui concerne, en ce qui concerne Aïcha radiallahu ta'ala anha, on sait tous que le messager d'Allah alayhi sallam, quand il a fait yani, disons, le pacte de mariage, si on appelle ça comme ça, elle avait radiallahu ta'ala 6 ans. Et quand il a consommé le mariage, elle en avait 9. Et elle était bien sûr yani, assez grande de taille, etc. C'était une femme. Naam, El-Mouhim. Entre 6 ans et 9 ans, elle avait 3, yani 3 ans. Pendant ces 3 ans, comme vous savez, Masha'Allah, le messager d'Allah n'avait aucun contact avec elle. N'avait aucun contact avec elle. Naam. Al-Muhim, certains kuffars, certains kuffars, et beaucoup de kuffars, trouvent ça comme quoi? Comme un moyen d'essayer de, si je puis dire, de frapper l'islam, si je puis dire. Et de dire, regardez-moi cet islam. Et essayer de trouver un défaut au messager d'Allah, sallam. Comment il s'est marié avec une fille de 9 ans. Ça, comme ça ils disent. Comme ça ils disent. Nous, on leur répond avec une question, ou là une réponse très simple et très facile. On leur dit, les kuffars, est-ce que, au temps du messager d'Allah, est-ce que, yani, ils l'ont critiqué ou là, ils n'ont pas critiqué le messager d'Allah? Yani, toute chose où il était critiquable, on l'a critiqué. Ça, si c'était possible. On a dit de lui sorcier, on a dit de lui yani, qu'il était possédé, on a dit de lui que c'était un poète, on a dit de lui tout ce qui se disait. Est-ce que vous connaissez un kafir qui a dit de lui, pourquoi tu t'es marié avec une fille de 9 ans? Dites-moi, est-ce que vous connaissez dans un livre ou là quelque chose des Arabes autrefois de Quraysh qui, en critiquant le messager d'Allah, ils ont dit pourquoi il s'est marié avec une fille de 9 ans. Ils ne l'ont pas dit. Vous savez pourquoi? Parce que c'était chose commune en leur temps. Ce n'était pas quelque chose de critiquable. C'était quelque chose qui se faisait normalement, comme le plus normalement du monde. Naam. C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas critiqué. Sinon, yani, lui aurait dit beaucoup de choses en ce sens. Al-Muhim, le musulman doit être fier de sa religion. Je ne fais pas comme certains complexés qui, alors, ils sont tellement complexés qu'ils veulent changer l'islam s'ils peuvent et changer l'histoire de l'islam. Ils savent que il s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et il a consommé avec elle quand elle avait 9 ans, radiyallahu ta'ala anha. Ils vont dire non, c'est pas vrai. Elle en avait 19, ou bien ceci, ou bien cela. Tout cela, c'est le complexe d'infériorité. C'est le complexe d'infériorité envers qui? Envers ceux qui ont les cheveux blancs, c'est-à-dire les kofars. Le musulman a quoi? A sa fierté, son dîn, il dit na'am. Na'am, il a consommé quand elle avait 9 ans, elle était une femme, na'am, et Allah Ta'ala a approuvé cela, et a béni cela, et a fait d'elle, et a fait d'elle un savant. Elle a fait d'elle un savant qui, les compagnons eux-mêmes, revenaient vers elle pour lui demander beaucoup de choses, beaucoup de questions. Non, on ne les connaissait pas, et c'est elle qui nous a appris que voilà comment faisait le messager de la Ressassam quand il faisait la prière, quand il faisait le wudu, quand il faisait les ablutions, et comme ça. Vous voyez, elle a dit c'est en ce qui concerne le mariage du prophète Ressassam avec notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha. Quant au soujoud, yani faire un soujoud, en général, c'est quoi bien sûr? Faire un soujoud à part Allah subhanahu wa ta'ala, non? Ça rentre bien sûr dans la mécréance. En général, ça rentre dans quoi? Ça rentre bi-idhnillahi ta'ala dans la mécréance. Mais reste quoi? Reste qu'il y a des quoi? Reste qu'il y a des cas particuliers où, par exemple, la personne est sous la contrainte. Si une personne est contrainte, elle ne rentre pas dans le coffre parce que le verset est clair. Il a dit sauf s'il y a contrainte. Ou par exemple, la personne est ignorante. Comme Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, quand il est venu du Sham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prosternation au messager d'Allah. Qu'a dit le messager, sallam? Il a dit, c'est quoi ça, Mu'adh? Il lui a dit, ya Rasulallah, j'ai vu les papes et les prêtres, etc. On leur fait comme ça en Syrie. Alors je me suis dit, faire ça au messager d'Allah, c'est plus prédominant. Aoula. Il a dit, non, ya Mu'adh, non. Si jamais je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner à quelqu'un, alors j'aurais ordonné à la femme, à l'épouse, de se prosterner à son mari. Donc la prosternation de Mu'adh ici a été faite par quoi? Par ignorance. C'est pour ça, c'est pas rentré dans le coffre. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité dans un de dans Majmou' al-Fatawa, on lui a posé une question sur quelqu'un qui dit quoi? Qui dit que yani, si par exemple, quelqu'un ne se prosterne pas à moi, je ne lui donne pas ce qu'on appelle en arabe le ma'ash. Le ma'ash, c'est-à-dire qu'autrefois, par exemple, une personne qui détient, disons, la paye. C'est elle qui te la donne chaque mois. Sinon, il n'y a rien, tu meurs de faim. Une personne lui a demandé, lui a dit, si je suis vraiment dans la contrainte, hein, cette personne ne veut pas me donner sa chose, cette chose, si seulement je fais une prosternation. Hein. Et Cheikh Islam, a donné une fatwa spécialement à cette personne, et qui n'est pas générale, que cette personne était dans la contrainte. Hein, et qu'elle pouvait la faire en imaginant quoi dans son intention, que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose, il a donné une fatwa pour quelqu'un qui a peur des kuffars, et on lui dit, si tu fais pas la prosternation, hein, on va quoi? On va te tuer. Et on dit tout ça rentre dans la contrainte. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Quant au hadith, ou bien la question qui parle des anges, hein, est-ce que c'est vrai quand on meurt que yani, les anges vont chanter, etc. Il a dit qu'ensuite le prophète Aslam viendra réciter je ne sais pas quoi. Et ensuite, Allah Ta'ala viendra plasmodier, psalmodier ou la plasmodier, le Coran. Et il va lire Sourate Taha. Naam. Réponse, Inch'Allah Ta'ala, tout ceci n'a rien d'authentique. Naam. Tout cela qui a été cité n'a rien d'authentique, ni de près ni de loin. Il n'a rien à voir avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, la personne elle-même a dit que ce sont les tablirs qui disent cette chose pareille. Et tout le monde sait que les tablirs, c'est yani, des gens qui vraiment font de la peine. Parce que ce sont des gens qui ne demandent pas la science. Ce sont des gens qui se suffisent à lire seulement Riyad Salihin et à courir à droite et à gauche pour faire soi-disant la dawa. Ils vont au Pakistan, ils vont en Inde, ils vont en Chine, ils courent à droite à gauche et ils disent que le message d'Allah nous a dit, Belliru anni walau aya. Et nous, on leur dit, quel pauvre vous êtes, quel pauvre vous êtes. Vous allez mourir demain, vous ne connaissez rien de la aqida. La aqida, un tawhid, vous ne connaissez rien sur le tawhid. Vous faites le grand shirk, vous faites des grandes bid'a, plein d'innovations, et vous voulez apprendre aux gens la religion. Masha'Allah. Depuis quand un ignorant peut-il apprendre aux gens la religion? Apprends toi-même. Quand tu auras assez de science, passe à la da'wah Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas tu n'as rien, tu vas faire la da'wah. Quelle da'wah tu vas faire? On te pose une petite question dans la aqidah, tu n'as pas de réponse. Une petite question dans le wudu, tu n'as pas de réponse. Dans le wudu. Naam. Et enfin, est-ce que le mort, on lui transmet les doigts, est-ce qu'il ressent notre présence? Je dis, la aqidah de Al-Sunnah al-Jama'a, c'est que le mort, quand on lui fait des doigts, hein, ça lui sert. Ça lui sert. Hein. Je ne connais pas un hadith qui dit qu'il y a des anges qui lui transmettent. Comme c'est le cas du messager d'Allah, sallam. Quand on fait la prière sur lui, il y a des anges spéciaux. Leur fonction, c'est de lui dire, telle personne a fait la prière sur toi. Hein. Mais quand on meurt, je ne connais pas un hadith en ce sens. Mais je sais que ça leur arrive. Ce qu'on leur fait, ce qu'on fait, ça leur arrive là-bas, d'après le hadith du messager d'Allah, c'est un hadith bon, où il y dit que tout ce qu'on fait, est montré aux morts dans leur tombe. Ils ont dit, si c'est quelque chose de bien, pas aux morts, il a dit, aux morts, c'est-à-dire de notre famille, les proches. Il a dit, si c'est quelque chose de bien, ils disent, Alhamdulillah. S'ils voient quelque chose de mal, ils disent qu'Allah Ta'ala les guide comme il nous a guidés. Ce hadith, je vous ai dit que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit c'est un hadith bon. C'est un hadith bon. Quant à, est-ce qu'ils ressentent notre présence? Il n'y a aucun délil en ce sens. Pour ça que Imam Al-Alusi, rahimahullah, a écrit un épître, Risala, qui s'appelle Al-Ayat ou Al-Bayinat fi Adami Sama'i Al-Amwat. Ala madhhab al-Hanafiyyah al-Sadat. L'ayat al-Bayyinat, les signes évidents que quoi? Que les morts n'entendent pas. Les morts n'entendent pas. Quel est le grand délit que les morts n'entendent pas? Allah Ta'ala dit dans le Coran, innaka la tusmi'u al-mawta. Il a dit, tu ne peux pas faire entendre aux morts. Inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Allah Ta'ala fait entendre qui il veut, et toi tu ne peux pas entendre celui qui est dans les tombes, c'est-à-dire le mort. Et ce qui renforce ce que je viens de dire, le hadith du messager d'Allah dans Sahih al-Bukhari. Après Ghazwat Badr, qu'est-ce qui s'est passé? Le messager d'Allah, après, a pris les grandes têtes des kuffars, Abu Jahl et Saklik, il les a jetés où? Dans un puits. Et il leur a parlé. Il leur a dit, est-ce que vous entendez? Il leur a dit, est-ce que vous avez trouvé le haqq que Allah Ta'ala vous a promis ou vous n'avez pas trouvé? Et les sahabas se sont étonnés. Au point où Omar Al-Khattab a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'ils entendent? Ils entendent, c'est pas là ce que tu dis. Le messager de l'Allah m'a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ils entendent, c'est-à-dire mieux, c'est-à-dire comme vous ou mieux que vous en cet instant. Les savants ont dit donc, ce qui prouve que les morts n'entendent pas, c'est que les compagnons se sont étonnés. Ils ont dit, comment, Ya Rasulallah, tu parles avec des morts? C'est comme s'ils voulaient dire, les morts n'entendent pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ya Rasulallah? C'est la première premier délit. Deuxième délit, c'est ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud ici. Il a dit, Allah Ta'ala les a fait ressusciter, yani pour entendre, et les a fait yani remourir de nouveau. C'est pour ça que le message là a dit quoi? Il a dit, إِنَّهُمُ الْآنَ يَسْمَعُونَ. Ils sont maintenant en train d'entendre. Ça veut dire, à part maintenant, ils n'entendent pas. À part maintenant, ils n'entendent pas. Ensuite, on va dire comme ça en général, si les morts entendaient, si les morts entendaient, donc quelle est la différence entre le mort et le vivant? Le mort maintenant, il entend ce qui se passe, donc il sait ce qui se passe, donc il vit avec moi. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il fait dans la tombe celui-là? Pourquoi il n'est pas avec moi dans ma chambre? Puisqu'il entend tout, il sait tout. Donc, je vais prendre une chaise et je vais aller à un tabouret, je vais aller dans un cimetière, et je vais devant la tombe de ma grand-mère, puisqu'elle m'entend, et je vais discuter avec elle. Comment vas-tu, ma grand-mère? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu nous as laissé. Qu'as-tu trouvé? Moi, je me suis marié, j'ai des enfants, j'aime pas les aubergines, j'aime pas ceci. Et je commence à discuter puisqu'elle m'entend. Un enfant te dira, qu'est-ce que tu es en train de faire toi là? On va te prendre dans un hôpital, tu es un fou. Tu parles tout seul. Donc, Inch'Allah Ta'ala, les morts n'entendent pas, sauf où il y a les délits qu'ils entendent. Les délits que j'ai cités, qu'ils entendent dans des cas particuliers. Bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Maintenant, inshallah ta'ala, on va répondre aux dernières questions. Bi'idhnillahi ta'ala, tafadda. Barakallahu fikoum. Donc, je vous rappelle que c'est les dernières questions, inshallah. Donc, si vous pouvez répondre par téléphone, je vous rappelle, donc c'est une soeur que vous connaissez déjà. Yannick, vous avez déjà exposé son cas, donc il y a besoin d'un rendez-vous téléphonique. C'est assez important chez Francicum. Et donc une autre sœur qui aussi demande un autre rendez-vous téléphonique. Inch'Allah, donc la question de Mariam, si c'est bien ça, 831, salam alaikum. Lorsque le prophète Sansum a fait l'ascension nocturne, le Isra, et qu'il a vu les prophètes, alayhim assalam, dans les cieux ainsi qu'à Jérusalem. Comment cela s'est fait? Car on sait que chaque personne morte se trouve dans le Barza, dans l'autre monde. Barakallahu pour votre réponse. Et excusez-moi si cela n'est pas très bien formulé. J'ai oublié aussi de vous dire, chacune sœur, vous remercie pour votre réponse tout à l'heure, Seigneur Béni. Donc la question de Hajar. Salam alaikum. Donc la question, le gouvernement français veut faire passer une loi pour interdire le port du sitar. Si cela arrive, est-ce que les frères ont le droit d'interdire à leurs femmes de sortir pour les courses ou les papiers ou sortir tout court, alors que eux-mêmes ne peuvent pas le faire? Ils comptent mettre des grosses amendes financières si on n'a pas les moyens de payer les amendes ou aussi voir la prison. Que devons-nous faire, chien? Car moi, je n'ai pas envie de l'enlever du tout. Ça, c'est clair, et j'enlèverai rien. Mais si on nous y contraint, que nous conseillez-vous, chien? La troisième Salam alaykoum, cher, qu'Allah vous préserve, ainsi que votre famille. Parmi les règles des noms et attributs d'Allah Azzawajal, il y a une règle qui dit qu'un nom, yani qu'un nom yani, se compose, désigne plusieurs choses par inclusion, par implication. Pouvez-vous nous éclairer sur ce domaine, car j'ai du mal à comprendre cette règle. Jazakumullah khairan. À vous ainsi qu'aux admins, pour le temps que vous nous accordez, vous êtes une grande ni'ma, alhamdoulilah. Voilà, barakallahu fikoum, tafaddal akhi muslim, alhamdoulilah. Naam, barakallahu fik akhi. Alors, par contre, pour les dernières questions, inshallah, Abou Ilyas, je suis venu demander la question. Et j'ai bien précisé, un aqidah minhaj ou salat. Et la question, je vois pas en quoi elle fait partie de l'une des trois catégories. Donc, Inch'Allah, est-ce que vous avez une autre question à poser? Pareil pour Akhi Kitab Sunna. Est-ce que tu as une autre question, Inch'Allah? Sur la minhaj ou la salat. Non, j'ai pas le temps de te prévenir, Akhi. Oum Abou Elias, non, justement, c'est pour le comportement. Et moi, je vous ai précisé qu'il faut la minhaj ou salat. Justement, ça fait pas partie de. Alors, question de Talib El-Ilm. Salam alaykoum, cher. J'ai pris l'avis comme quoi la Fatiha était obligatoire derrière l'imam quand il récite à voix haute à la mosquée. Cependant, l'imam ne nous laisse pas un laps de temps pour que je puisse la réciter. Je suis donc obligé de la réciter en même temps que lui. Est-ce valable? Pouvez-vous m'expliquer aussi comment doit-on réciter à voix basse? Est-ce juste la bouche et la langue qui bougent ou doit-on s'entendre un minimum? Barakallahu fikoum, cher. J'espère qu'Allah Azzawajal vous récompense à hauteur de vos espérances pour la science utile que vous nous apportez. Et j'espère aussi qu'Allah Azzawajal vous allégera vos problèmes dans cette vie d'ici-bas, ainsi qu'à tous les croyants et les croyantes. Amin. Question de Kitab Sunna. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc ma question est en rapport avec les pertes blanches. Je voudrais savoir par rapport aux ablutions, quels sont les savants qui disent que les pertes blanches n'annulent pas les ablutions pour la femme? Tfadal cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je commence par la dernière question. Les savants qui disent que les pertes blanches n'annulent pas les ablutions, c'est Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Auparavant, il disait que ça annulait. Comme le dit jusqu'à présent Cheikh Fawzan hafidhahullah, il dit que ça annule. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, j'ai bien fait des recherches, j'ai trouvé qu'en fin de compte, les pertes blanches ne sortent pas de l'endroit, yani, d'où la femme urine, mais sortent de l'endroit d'où la femme accouche. Il y a une différence. Il a dit, c'est pour cela que, Inch'Allah ta'ala, il a dit, ça n'annule pas les ablutions. Voyez. En ce qui concerne maintenant la première question, l'ascension et la vue des prophètes alayhi salatu salam, et comment se fait-il qu'il les ait vus dans l'ascension, alors que, par exemple, il y a un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah qui dit al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Qui dit que les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils font la salat. Comment le messager d'Allah les a rencontrés dans les cieux, alors que le hadith dit ils sont dans la tombe, ils font la salat, alors que il les a guidés dans la prière, Fulqods. Et tout ça, comment on peut concilier? D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que l'ascension a eu lieu d'après l'avis le plus juste. A eu lieu, yani, pas dans les rêves, comme disent certains. surtout les soufis. C'était un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité, une vérité. Le messager d'Allah, sallam, dormait et il a quitté son quoi? Son lit pendant l'ascension. Si quelqu'un était rentré dans la chambre pendant l'ascension, il n'aurait pas rencontré, trouvé le messager d'Allah, sallam, dans son lit. Pourquoi? Il a fait l'ascension avec son corps et son âme. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min masjid al-haram. Asra bi'abdihi. Regardez. Asra, subhanalladhi asra bi'abdihi. Avec son serviteur. N'a pas dit avec son, yani dans les rêves. Seulement avec son âme. Non. Il a dit asra bi'abdihi. Avec son, il a fait l'ascension de son serviteur, pas de son âme. Le serviteur, c'est-à-dire âme plus corps. Donc, quand il a fait l'ascension, dans chaque ciel, il a rencontré certains prophètes. Dans chaque ciel, il a rencontré certains prophètes. Vous savez que le nombre des prophètes est de, d'après le hadith authentique, est de 124 000. Combien il y a de prophètes depuis que Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre jusqu'à nos jours, jusqu'à Muhammad A.S. Combien il y a? 124 000. Et dans les 124 000, combien il y a de messagers? 314. Et un autre hadith dit 315. Et tous les autres, ce sont seulement des prophètes, pas des messagers. Al-Muhim, quand il a fait l'ascension, quand j'ai dit, il a rencontré plusieurs prophètes dans les cieux. Et nous tous, on sait que dans le premier ciel, il y a qui? Adam A.S. Et dans le deuxième, il y a Isa et Yahya, le fils de sa tante. Fils de sa tante Yahya. Et ça se trouve seulement dans le deuxième ciel, pour qu'il puisse descendre à la fin des temps. Il va descendre, comme vous savez, et il va tuer le Messie Dajjal. Dans le troisième ciel, on sait qu'il y a Idris, alayhi salam. Dans le quatrième, Yusuf, alayhi salam. Dans le cinquième, Haroun. Dans le sixième, Moussa, alayhi salam. Et dans le septième, il y a qui? Il y a Ibrahim, alayhi salam, qui est adossé à quoi? Est adossé au Beit al-Ma'mour, c'est-à-dire la Kaaba du ciel. Il y a deux Kaaba dans ce monde. La Kaaba qui se trouve en Arabie Saoudite pour les êtres humains. Et la Kaaba des anges qui s'appelle Beit al-Ma'mour. Et ce Beit al-Ma'mour, il y a un hadith qui dit que il y a combien? Il y a 100 000 anges chaque jour qui tournent autour de lui et qui jamais ne reviennent. C'est-à-dire chaque jour, subhanallah al-Azim, 100 000 et chaque jour de nouveau, de nouveau, de nouveau. Imaginez donc combien qu'il y a d'anges. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Sauf lui, Azza wa Jalla, connaît le nombre yani, de ces sols-là. Al-Muhim, Ibrahim A.S., dans le 7e ciel, il est adossé contre cette maison-là, Beit al-Ma'mour, en train de faire apprendre le Coran à qui? Aux enfants des musulmans. Comme c'est dans le hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc le message de la continuité montée, il a rencontré certains messagers, bien sûr. Et il a guidé certains messagers fil Quds et les messagers sont dans leur tombe. Comment on va grouper entre ceux-là? On va dire que ce qui se passe après la mort ne peut pas être, yani, ne peut pas, on dit en arabe, yirda. Il ne peut pas, yani, par exemple, il n'y a pas de qiyas, il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas d'analogie entre ce qu'on vit maintenant et ce qu'on vit après la mort. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme le mort, nous, quand on va mourir. Vous savez qu'on sera dans nos tombes, puisqu'il y en a qui vont nous poser des questions. Ensuite, le hadith qui dit qu'on va nous montrer le paradis et l'enfer. Ensuite, le hadith qui dit qu'on va nous dire dormez, jusqu'à ce que vous réveillez, comme vous réveille le meilleur de votre famille. Donc, d'après le hadith, on va dormir. Alors que dans le hadith, dans le Bukhari muslim, on sera quoi? On sera dans des oiseaux, dans le paradis, dans le ventre des oiseaux. Donc comment d'un côté on est dans le ventre des oiseaux, d'autre côté on est dans le paradis, dans la tombe, d'autre côté on voit ce qui se passe, d'autre côté on dort, d'autre côté il y a un hadith qui dit on va rencontrer les autres âmes. Vous connaissez le hadith, quand on meurt on va visiter les autres âmes, jusqu'à, et certaines âmes vont nous dire café X, café Y, jusqu'où ils vont nous dire est-ce que X et Y se sont mariés. Vous connaissez le hadith, je vous l'ai cité plusieurs fois. Donc comment se fait-il tout ça? Les savants ont dit, ce qu'il y a après la tombe, C'est, yani on ne peut pas le comprendre maintenant. Des fois, tu es dans la tombe, des fois, Allah Ta'ala fait monter ton âme. Elle est dans le paradis, elle voit ce qui se passe et mange dans le ventre des oiseaux. Des fois, tu es dans les cieux, tu rencontres certaines, ta famille, etc. Vous vous parlez jusqu'à ce qu'on vous demande est-ce que X ou Y se sont mariés. Et ensuite, vous revenez un certain temps vers la tombe. Et comme ça, jusqu'au jour où Allah Ta'ala va décider qu'on sorte de nos tombes, bi-idhnillah azza wa jal. Non. Reste pour le sitar. Pour le sitar, si jamais la loi va sortir qui va interdire le sitar, et pardonnez-moi de vous annoncer la mauvaise nouvelle, mais la loi va sortir. C'est toujours comme ça. Quand les mécréants on décide d'une chose, ça va arriver quand c'est le mal. Sauf si Allah Ta'ala ne veut pas. Donc maintenant, ils ont déjà commencé à en parler, c'est devenu partout à la télé, chez les députés, etc. Donc très bientôt, ce sera la loi qui va venir, qui va interdire à la femme de sortir avec le sitar. D'ici là, inshallah ta'ala, on va voir ce que vont dire les savants. Sûrement qu'il y aura des fatwas. Des fatwas spécialement pour cette situation difficile. Et là-bas, inshallah ta'ala, je vous dirai ce qu'ont dit les savants, car ce n'est pas, inshallah ta'ala, de mon ressort. Naam. Enfin, reste deux questions. Pour les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, je n'ai pas compris par inclusion, par implication, par correspondance, etc. Je lui dis, c'est bien dommage hein, pour les gens qui n'ont pas l'arabe. Plus tu as l'arabe, plus tu comprends cette religion plus vite et plus aisément et plus sûr, d'une manière plus sûre. Naam, si vous connaissez l'arabe, par exemple, je vous aurais expliqué cette chose en arabe. Vous la comprendriez vite. Mais quand c'est en français, vous savez que ce n'est pas facile, bi'idhnillahi ta'ala. Ce n'est pas facile pour vous expliquer. Mais j'aimerais vous dire que, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah ta'ala, les savants ont dit, il faut que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui s'appelle, en arabe, dans dalalat al-alfaz, on dit, yani des fois on comprend une chose par mutabaqa. Des fois, on la comprend par tazammun. Des fois, on la comprend par iltizam. En français, mutabara, c'est correspondance. Tazammun, c'est inclusion. Iltizam, par implication. Je vais donner un exemple dans la vie courante. Ensuite, on passe au nom et aux attributs pour faire la relation, inshallah ta'ala. Je dis, imaginez, j'ai un deux pièces salon, qui est une maison. Qui a deux pièces, un salon et la cuisine et salle de bain toilette. Maintenant, moi, mon appartement contient par correspondance, mutabaka, par correspondance, contient quoi? Deux pièces, salon, cuisine et toilette, salle de bain. Ça, c'est par correspondance, mutabaka, mais contient par inclusion seulement, ou bien salon, ou bien les toilettes et la salle de bain, ou bien les deux pièces, ou bien deux pièces et salon, mais ne contient pas tout. Si je parle de tout, je dois parler par correspondance, par mutabaka. Mais si je parle de certaines choses qui sont dans mon appartement, je dis par inclusion. C'est inclus dans mon appartement qu'il y a telle pièce et telle pièce. Mais pas tout, je ne cite pas tout. Si je cite tout, ça devient par quoi? Par correspondance. Et enfin, par implication, iltizam, c'est quand, lorsque je parle de mon appartement par exemple, tu penses, toi, ou bien moi je pense, au maçon qui a quoi? Qui a par exemple, si je peux dire comment on dit, fabriqué, non, qui a construit ma maison. Il y a bien eu un maçon. Est-ce que moi, quand je parle de mes deux pièces, c'est salon, cuisine, salle de bain? Je vous ai parlé du maçon, je ne vous ai pas parlé. Mais par implication, ça implique que toute maison a été construite par qui? Par au moins un maçon. Donc le maçon ici, on l'a compris par implication. Ça implique. Maintenant, si vous avez compris ça, on peut revenir au nom d'Allah subhanahu wa azzawajal et ses attributs. Naam. Quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on dit par exemple le créateur, par exemple, on dit le créateur, on dit le miséricordieux, par exemple. Prenons le miséricordieux. Ar-Rahim. C'est un nom. C'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafur, Rahim. Ça, c'est un nom. Par correspondance. Qu'est-ce que ça contient? Par correspondance. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, bidet et en son essence. Et il y a quoi? Et il y a l'attribut de la miséricorde. Non, si je dis le créateur, par correspondance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Allah ta'ala lui-même et il y a l'attribut de yani la miséricorde. C'est lui le miséricordieux. Ça, si je parle du créateur, il y a Allah ta'ala, il y a la création, l'attribut de la création. Ça, c'est par quoi? C'est par correspondance. Non. Mais par inclusion seulement, ou bien je parle d'Allah lui-même, ou bien je parle seulement de son attribut. Si je parle d'Allah ta'ala lui-même, sans parler de son attribut, c'est par inclusion. C'est comme dans l'appartement, je ne parle pas de tout ce que j'ai. Je parle seulement de la cuisine, ou bien seulement des deux pièces, ou bien seulement de la troisième pièce. C'est par inclusion. Allah ta'ala, par inclusion, je ne vais citer que lui-même, son entité, son essence, ou bien je parle de son attribut, c'est tout. Ça, la création, la miséricorde, Ar-Rahman, et comme ça, tous les attributs. Non. Et enfin, par déduction, quand tu parles, toi, d'Allah Azza wa Jal, et tu parles, par exemple, d'un de ses attributs, par exemple, la miséricorde, par implication, Allah Ta'ala, c'est aussi quoi? C'est aussi celui qui voit, celui qui entend, celui qui descend la nuit, celui... Toutes ces choses-là, tu ne les as pas citées. Mais elles rentrent par quoi? Par implication. Non, on les comprend par implication. Quand je parle d'Allah Ta'ala, je ne parle que de sa miséricorde, je dis le miséricordieux, ça implique que tu es en train de parler aussi de qui? Du Créateur. Tu es en train de parler de Allah Subhanahu wa Ta'ala, de celui qui entend. Tu es en train de parler de celui qui voit tout. Tu es en train de parler de celui qui entend tout. Et comme ça, c'est par implication. Afouane, si c'est un peu difficile à comprendre, non, si c'était en arabe, ça aurait été facile. Mais allez, à force d'entendre des choses comme ça, Inch'Allah Ta'ala, vous, ils avancerez. On avance. À chaque fois d'entendre des choses, même si elles sont difficiles, elles vont paraître faciles à force de les entendre. La première fois, ça paraît difficile. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle j'ai pas répondu? Pour les rendez-vous, on les laisse, Inch'Allah Ta'ala, à mercredi. Pour les rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, on les laisse à mercredi. Bi'idhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Je vous ai dit que voilà un blog, Inch'Allah Ta'ala, ou là un site dans lequel vous allez trouver beaucoup de réponses à vos questions, Inch'Allah Ta'ala. Non, je vous conseille de le visiter. Et ensuite, j'avais dit que les rendez-vous, on les laisse pour mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Non. Et enfin, je te donne le micro, Inch'Allah, tafadhal. Salam, cher. Salam, c'est bon. Il y a une sœur qui vous demande juste en TV, 5 minutes. Après, c'est à vous de voir si vous acceptez ce soir ou pas. Sinon, voilà. Yanni, salam, c'est bon, majestueux. Non, justement, je m'excuse pour cette sœur, Inch'Allah Ta'ala. Je m'excuse, car aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je ne peux pas. Ah, je m'excuse, Binna Ta'ala, mais aujourd'hui je ne peux pas, mais Inch'Allah Ta'ala, elle peut m'écrire sur l'adresse du Gmail. Elle peut m'écrire, Inch'Allah Ta'ala, André, si c'est très urgent, avant mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Subhanakillahum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.